bien notre regret de ne pas avoir accepté de les avoir payés et notre respect pour le travail sur les matières dont on va parler de Jean-Pierre Jeunet, qui a évidemment été un des grands pionniers de l'histoire en général et en partie sur les questions d'histoire économique médiévale, et de Martin Coco, qui est co-auteur des deux très bons manuels d'édition pour aider les historiens à utiliser l'ordinateur, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui pour faire des cours en cours. Donc j'ai commencé par me présenter. Je suis Frédéric Laverge, j'ai fait une thèse sur Alain Marchand qui a été président de la Reich Bank et ministre de l'économie du Troisième Reich. Et je travaille aujourd'hui pour une institution publique luxembourgeoise sous tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche luxembourgeois, qui s'appelle le Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe et qui est, même si normalement j'ai plus le droit de dire le terme, une bibliothèque numérique sur les histoires d'intégration européenne. Je fais aujourd'hui dans cette institution, et c'est pour ça que cette thématique m'intéresse, le pont entre des chercheurs, dont l'alphabétisation numérique, qui est l'un des sujets qu'on va aborder, mais pas toujours parfait, et des développeurs dont la compréhension des problématiques des sciences humaines et sociales et de leur méthodologie n'est pas toujours parfaite non plus, ce qui fait de moi un élément important dans cette institution et de moi et de mon équipe, puisque j'ai même l'honneur d'avoir une équipe. Ce qui est aussi une position assez délicate. J'essaie aussi de valoriser une certaine réflexion sur ces nouveaux outils numériques. Et je pense qu'on va l'aborder, mais qui ne sont pour certains pas si nouveaux que ça. On va aujourd'hui aborder deux thématiques. Donc plusieurs thématiques avaient été soumises au comité directeur, et le comité directeur en a choisi deux particulièrement. La formation d'un côté et l'écriture en ligne de l'autre. La formation, c'est les deux thèmes plus précis que nous avions songé à aborder. C'est la question de l'alphabétisation aux nouvelles pratiques numériques pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants-chercheurs, y compris aguerris. Et le second point, ce point pour la formation, c'est également, parce qu'on voit très bien, la question des relations entre historiens et historiennes d'un côté, et tous les autres métiers qui interviennent aujourd'hui dans une chaîne de recherche qui est de plus en plus numérique. Il y a bien sûr les informaticiens, informaticiennes, mais il y a aussi bibliothécaires, archivistes, etc., qui interviennent dans cette chaîne numérique et d'autres corps de métier également. Second point, donc l'écriture en ligne, et particulièrement le blogging scientifique. En France, on parle plutôt pour les sciences humaines et sociales de carnet de recherche parce que blog, ça c'est pas très sérieux, mais ça revient à ça. Quels sont aujourd'hui les apports pour l'enseignement tant secondaire que supérieur des carnets de recherche, de la pratique du blogging scientifique, quels sont ses apports pour la recherche, pour la circulation de la recherche. Et second point, quelles sont les relations entre ces pratiques d'écriture numérique, notamment sur les blogs, et les formes plus classiques de publication et de discussion scientifique, c'est-à-dire bien évidemment articles, livres, conférences, etc. Une présentation rapide de nos intervenants, directement à côté de moi, Daniel Letouzé, qui est un enseignant qui a milité très tôt en faveur de l'usage raisonné de l'ordinateur en histoire-géographie, qui a participé à la création de la liste H français qui est hébergée sur le serveur HNet, qui dans la revue Historien et Géographe, depuis 14 ans apparemment, qui a une chronique internet, assure une veille documentaire suivie des débats suscités par les nouvelles technologies, et qui a mis en place un portail, puis web, qui prolonge ce travail. À côté de Daniel Lecouzé, Martine Sonnet, qui est ingénieur de recherche à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine du CNRS, qui est spécialiste d'histoire des femmes et du genre, qui anime un séminaire Femmes au travail, questions de genre, 15e-20e siècle, qui est associé à un carnet de recherche sur hypothèse.org, et qui a elle-même un site web, martinesonnet.fr, avec un autre blog personnel qui est l'employé, qui s'appelle l'employé aux écritures. Viens ensuite Benoît Kermoal, qui est enseignant au lycée aujourd'hui et qui mène une thèse sur le sujet violence, guerre et paix dans les pratiques militantes socialistes en Bretagne dans la première partie du XXe siècle, dirigé par Christophe Prochasson. Et Benoît, pour accompagner ses recherches et l'écriture de sa thèse, a ouvert un carnet de recherche nommé NCAC, qui signifie recherche, qui signifie enquête, sur là aussi hypothèse.org. Vous pouvez retrouver toutes les adresses sur le site web. Et Emilien Ruiz, doctorant à l'EHESF, qui termine une thèse dirigée par Marc-Olivier Baruch sur la question des effectifs de l'État dans la France du XXe siècle, qui a créé avec Francisca Ingurger, doctorante à l'EHESF également, la boîte à outils des historiens. C'est un blog qui accompagne et a prolongé une formation de master aux outils informatiques pour les historiens. Le blog existe toujours, la formation, je crois, n'existe plus, malheureusement. Emilien a également créé le très très bon carnet de recherche, je dis très très bon, les autres aussi sont très très bons. Mais disons que l'idée de ce carnet de recherche me semble particulièrement pertinente. Surtout à mes yeux d'ancien doctorant qui a fait sa thèse dans une université de juriste et donc seul, carnet de recherche qui s'appelle donc Devenir historien historienne, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes chercheurs en devenir dans la découverte de méthodes de travail nécessaires pour leur première recherche. Je propose que chacun de nos intervenants se présente d'abord très rapidement en fait le sujet sur lequel il souhaite parler, un petit résumé très rapide, et ensuite nous commencerons donc par prier. Non, je présente rapidement les idées principales que tu vas présenter. Très rapidement, moi je vais essentiellement axer ce que je vais vous dire sur les questions de formation, en commençant d'abord par un constat de ce que je pensais des principales transformations de notre métier, et de ce qu'ont même les étudiants, et les défis en termes de formation que cela pose à l'ensemble des historiens. Moi je vous parlerai simplement de mon carnet de recherche, une sorte de compte-rendu d'expérience, en sachant que je dois terminer ma thèse courant mai, donc dans quelques mois, et c'est simplement pour dire en quoi est-ce que ça a été utile pour justement la rédaction de cette thèse. Alors moi je parlerai d'un autre carnet de recherche qui est un carnet d'accompagnement, prolongement de séminaire, donc c'est différent de ce que dit de Benoît, et puis peut-être aussi de l'intégration de nouveaux outils dans une pratique de recherche plus ancienne, puisque je suis plus vieille que mes jeunes collègues et d'autres, donc voilà, comment on peut s'alphabétiser petit à petit en commençant plus tard. Alors, moi j'ai le plaisir de la technique, parce qu'en fait il y a deux, trois choses que je voudrais vous montrer, mais ça va venir tout à l'heure, c'est pas grave. J'ai l'avantage de ne plus être en concurrence puisque je suis retraité, mais en même temps je crois avoir, depuis pas mal d'années, amassé un certain nombre d'analyses et de réflexions. J'ai eu le plaisir, je suis parti des vieux, j'ai eu le plaisir de croiser Jean-Philippe Jeunet et de travailler avec lui sur toutes ces questions. Et là en particulier, je revoyais la petite brochure qui s'appelle Mémoire vive, et dans laquelle il faisait la synthèse d'un atelier en 93. Donc je ne veux pas faire la mémoire vivante, mais il y a pas mal de choses. Et ce que je voudrais surtout vous faire comprendre, et les historiens normalement se posent pas de problème, c'est que les problèmes qui se posent aujourd'hui, ils ont déjà été labourés par notre génération. Les solutions ne sont pas forcément satisfaisantes, mais ils sont en train d'évoluer. Tout au moins, ils étaient en train d'évoluer jusqu'à ce qu'une rupture se passe pendant 5 ans, par exemple, qui démolissent, qui considèrent qu'un jeune prof n'a pas besoin d'être formé pour aller enseigner devant une classe de 36 élèves. Et dans ce cas-là, je suis militant aussi, parce que j'estime que vraiment on se moque du monde. Et quand on me dit qu'on va mettre l'informatique partout dans le secondaire, et ça va probablement être répété jeudi prochain par l'école ministre, ce qu'on nous dit simplement, c'est que si on a 36 élèves, on ne fait pas l'informatique. On ne fait l'informatique que si on a des modules. Les modules, ça coûte cher, c'est la première chose que M. Châtel a supprimée quand il est arrivé au pouvoir. Et puis pour le reste, je crois que sur les questions de formation, comme sur les questions d'écriture informatique, je crois avoir des choses à dire, étant bien sûr à cheval, puisque la chronique, elle est publiée par une revue papier, au format PDF, mais j'ai veillé dès le départ à ce qu'elle soit en ligne. La chronique est en fait une collection de liens et quelques pistes et un suivi des débats sur la durée et pas simplement sur les critères qui ont été envoyés dans les 24 heures. Je pense à Emilien, bien sûr, qui fait un travail remarquable sur ce terrain, mais en même temps, on a besoin de ces éléments. J'essaierai tout à l'heure de revenir là-dessus. Je propose qu'on commence justement par le thème de la formation avec Emilien puis la Alors, en fait, le propos que je vous propose là en 5 minutes, c'est de revenir sur des choses que je dis depuis déjà un certain nombre de temps, puisque ça fait plusieurs fois que j'ai été invité à parler de ces thématiques dans divers séminaires ou ateliers. La première fois, c'était à une table ronde de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine, il y a presque 2 ans. Ça a donné lieu, en fait, à une reprise avec ma collègue Francisca Hamburger dans la RHMC au début de l'année 2012. Et l'essentiel de ce que je vais vous dire ici est basé là-dessus, tout simplement parce que je pense que depuis 2 ans, le constat et les défis auxquels on doit faire face n'ont quasiment pas bougé. Même si les exemples qu'on peut mobiliser dans un tel propos se sont multipliés quand même depuis. Alors je résumerai les principales transformations numériques du métier d'historien à 3 aspects principaux selon moi. On a observé simultanément le développement de pratiques documentaires inédites. Alors sur plusieurs aspects, d'abord l'accroissement de l'accessibilité des documents, ensuite la massification de l'accès à certains corpus, la massification des corpus en eux-mêmes, et les modalités mêmes de traitement d'un certain nombre de sources. En second lieu, on a des formes originales de diffusion de la recherche. Alors bien entendu, le blog en constitue l'archétype, mais c'est loin d'être le seul exemple. Je pense notamment aux revues et livres électroniques qui, s'ils connaissent et s'ils finissent surtout par prendre au sérieux la dimension électronique et numérique de telles publications pourront arriver à développer un nouveau rapport aux sources dans les publications historiques et scientifiques. Je pense enfin à de nouvelles formes d'échanges scientifiques et pédagogiques qui dépassent largement le modèle de la liste de diffusion, bien sûr. Je pense aux wikis, mais aussi aux blogs, à fortiori quand ils sont collectifs. On pourra y revenir, je pense par exemple à Devenir historien, qui est un travail en partie collectif. Mais je pense aussi à des outils spécifiques du type Zotero Group, qui est un outil de développement de bibliographie collaborative. Et enfin, à des réseaux tels que Twitter. Alors je cite Twitter tout simplement, parce que presque tous les intervenants ici présents sont sur Twitter. Et que pour la plupart d'entre eux, j'ai même rencontré la première fois via Twitter. Ça vous donne une idée. Alors, les interrogations relatives aux relations entre histoire et informatique ne sont absolument pas récentes, ça a bien été répété. Il suffit de penser ne serait-ce qu'aux questions qui ont émergé au moment de la dite révolution informatique, à partir des années 70-80, au moment où ça se développe réellement, qui ont été concomitantes d'ailleurs de certains errements de l'histoire quantitative sur lesquels on pourrait éventuellement revenir. Ces interrogations ont toutefois beaucoup évolué depuis un peu plus d'une décennie avec ce qu'il est convenu d'appeler l'ère numérique, et non plus le web 2.0, mais c'est à peu près la même chose. Ce que je pense, c'est que ces transformations, par leur caractère vraiment accéléré et massif depuis une dizaine d'années, témoigne d'une mutation profonde des modalités pratiques du métier d'historien, de tous les historiens, ne serait-ce que d'un point de vue matériel. Il suffit de penser par exemple aux outils qu'on utilise des archives avec l'appareil photo numérique jusqu'à chez soi avec éventuellement une tablette tactile pour lire les photos qu'on a prises aux archives. Ça, on pourra y revenir aussi. Donc en fait, ce qui me semble avoir vraiment changé, c'est les questions, c'est que là, ces questions se posent maintenant à tout le monde et non plus uniquement aux spécialistes, par exemple, d'histoire quantitative, puisqu'on a évité les questions d'histoire informatique, c'était essentiellement ça, jusqu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Dans cette perspective, le défi incontournable, ça reste la formation. La première chose qui, à mon avis, est nécessaire, c'est de se défaire de l'idée même de l'existence de natifs numériques. J'ai enseigné de 2006 à 2012 du premier cycle jusqu'au doctorat. Si j'ai appris une chose, c'est que les digital natives, ça n'existe pas d'un point de vue générationnel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des minorités extrêmement compétentes, souvent même plus compétentes que les enseignants qui passent pour des geeks, les frais des historiens, mais la majorité a besoin réellement d'une formation. La majorité d'ailleurs est consciente de ce besoin de formation. J'ai mené des petites enquêtes auprès des étudiants en histoire de l'EHESS en master, dont les graphiques sont en ligne, on pourra vous les montrer. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont majoritairement, une écrasante majorité, se dit en besoin de formation. C'est peut-être pas le cas en licence, mais en tout cas en master, ils en ont tout à fait conscience. Donc en fait, ce qu'on peut appeler, s'il y a une génération, c'est plutôt ce que Frédéric a appelé très justement les Facebook natives. Et là, en termes de recherche, il leur reste évidemment tout à apprendre sur l'usage de l'ordinateur. Alors pour relever ce défi de formation, je pense qu'il faut repenser cette formation à deux niveaux. Le premier niveau pour moi, c'est ce qui relève d'une culture numérique commune. Il est indispensable de fournir à peu près entre la licence et la première année de master, alors mes collègues diront peut-être même que ça peut commencer avant, je pense, de leur fournir la maîtrise d'outils indispensables à tous, quelle que soit la spécialité ou la période chronologique. Que ce soit alors la bureautique de base, bien entendu, mais je pense par exemple au logiciel de bibliographie, aux outils de veille en ligne, aux instruments de recherche, et éventuellement même, ça on pourra en discuter peut-être après, à une initiation à la programmation, à apprendre ce que c'est du code informatique. Tout ça, ça ne relève pas de l'apprentissage de logiciels. C'est en partie tiens, mais en réalité, ce qu'on peut appeler une culture numérique commune, c'est donner les moyens aux étudiants de découvrir un champ des possibles en informatique pour l'histoire. C'est-à-dire qu'il est important qu'ils disposent eux-mêmes des bases ensuite pour savoir ce qui leur manque et savoir vers quels outils se tourner et apprendre à les utiliser. C'est-à-dire que pour savoir qu'on a besoin d'apprendre à utiliser un logiciel comme R, il faut d'abord savoir que ça existe et que ça offre un certain nombre de possibilités. Dans les deux cas, je pense qu'il est indispensable que ce soit des historiens qui dispensent ce type de formation. Ça, c'est pareil, on pourra revenir ensemble dans la discussion là-dessus. Je pense que c'est un double antidote, c'est un antidote au désintérêt des étudiants qui est clair dans les premiers cycles sur la question de l'informatique. Mais c'est aussi un antidote à la fétichisation de certains instruments qui est aussi clair dans certains niveaux, type master ou doctorat. Le second niveau de réflexion sur la formation, je pense qu'il relève sur une question de spécialisation plus poussée, et effectivement il faut absolument développer des formations beaucoup plus avancées. Alors ça existe déjà dans certaines universités, c'est souvent des ateliers de doctorants ou des ateliers mis en place par les enseignants, mais c'est pas vraiment institutionnalisé, donc c'est apprendre à faire de la programmation, c'est apprendre des outils type MySQL pour les bases de données, c'est apprendre à utiliser R, etc. Alors j'ai déjà certainement été trop long, donc je ne développe pas, comme je vous l'ai dit, les questions relatives aux nouvelles formes d'écriture. Je dirais juste une chose, ces questions de nouvelles formes d'écriture électronique, donc le blogging, mais au-delà, à mon avis, doivent faire face aussi à deux défis aujourd'hui. C'est la légitimation, qui n'est pas absolument acquise encore aujourd'hui, et c'est leur généralisation, qui me semble nécessaire, ça aussi on pourra en discuter. Je pense que ces deux défis relèvent encore une fois de la question de formation, puisque c'est uniquement quand on aura fini par réellement acculturer l'ensemble des historiens à ces questions de possibilités offertes par le numérique que l'ensemble de la profession commencera à ajouter le numérique comme un instrument dans la boîte à outils et pas quelque chose qui relève d'une spécialisation de quelques-uns. Alors, département aussi bien organisé, mais je voudrais y aller quand même sur quelques éléments, quelques points. Bon, par provocation, je voulais partir de ce scribe. Et je viens de la provocation. Parce que bien évidemment, je parlais tout à l'heure de l'ancienne persécution, je ne vais pas être très long là-dessus, mais en même temps aussi, c'est une image que je fais rechercher, sur Wikimedia Multimedia Commons. Et vous savez que c'est une médiathèque absolument fantastique, et je fais tout mon possible pour que les enseignants la connaissent, puisque logiquement, on est sur des images qui sont en droit commun, même s'il peut y avoir des bagarres, et ça serait dommage, de se passer ça. L'autre source dont je dis un mot, c'est le Web Gallery of Art, qui doit avoir en ce moment 30 000 reproductions de tableaux. Et franchement, quand on a ces éléments-là, j'ai une collègue de français qui a passé un week-end à scanner 12 tableaux de la Renaissance, je lui ai montré le tout, ça prenait quelques 45 secondes. Et non mais c'est important parce qu'on a l'impression que c'est évident, vous voyez, c'est un élément de la formation. De même que dans ma formation très artisanale, premier boulot, vous voulez faire commenter en classe 90 secondes de reportage télévisé. Comment est-ce que vous l'enregistrez? Et je vous promets que ce n'est pas si simple que ça a l'air comme ça. Ça l'est si vous avez un enregistreur, vous le récupérez, mais si vous voulez passer par l'informatique, ces gens-là ont tout fait pour que ce ne soit pas fait. Or, après on va nous dire, Pierre Rosenberg, vous n'enseignez pas la lecture de l'image, la lecture critique de l'image. Si attendez, bon, allez, j'ai même commencé par l'image, bon, sur ce coup-là. Ensuite, bien évidemment, sur tout ce que je suis amené à dire, moi j'insiste lourdement sur l'écart phénoménal entre les discours qui sont tenus dans l'université, dans les médias, et les pratiques qui sont celles des étudiants, voire même des universitaires. Puisque je suis en provocation, j'assiste à l'IMEC, quelqu'un qui fait une intervention que je suis en train de faire. Il a fini, il se trouve qu'il va dans la salle. Qu'est-ce qu'il fait dans les 30 secondes? Il ouvre son smartphone, il consulte ses mails. Un élève de première fait ça, on le fout à la porte. Et on sévit. Donc vous voyez que là, il y a effectivement... Non, mais il faut qu'on soit honnête. Si on fait ces choses-là, il y a des choses qui ça nous apportent, c'est possible. Donc ça fait partie aussi d'une formation, et qui est une formation dans la socialisation. Parce que moi, je ne parle pas de réseaux sociaux, je parle de médias sociaux. Et ces gens-là vous vendent effectivement des trucs où il faut qu'eux puissent mettre de la pub. On a aussi, donc nous, à garder et enseigner cet élément-là. Ça, c'est le premier élément sur le... vraiment, moi, je trouve, j'ai écouté, je vous incite à le faire, Rétique, en temps normal, je ne supporte plus. Mais samedi, il y avait Michel Fer face à Finkielkraut, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein, parce que quand on vous parle du brouhaha, j'ai mis la phrase dans la revue de presse d'aujourd'hui, absolument délirant de jeunes qui se vautrent sur leur canapé, c'est brouhaha écœurant. Donc là, on a un vrai problème. Alors bien sûr, moi je suis militant, donc je dis, voilà, ce que je veux, c'est qu'on trouve des usages raisonnés de ça, et qu'on forme à des usages raisonnés, et qu'on part pas de l'idée que les élèves y sont. Et si je dis ça, c'est que de fait, il y a en lycée, en première, ce qu'on appelle des très bons personnels encadrés. Logiquement, ces élèves vont choisir un sujet sur un domaine qu'ils ne connaissent pas, donc vous imaginez, quand c'est ce qui se passe en master éventuellement, et ensuite, à trouver toute une démarche, à prendre, etc. Or, à la moitié des choses, on suppose qu'ils le savent, alors qu'on ne va jamais pris le temps de le renseigner. Que ce soit un tableur, que ce soit du traitement de vidéo. Et j'estime que là, on se moque du monde. On se moque réellement du monde. Alors, derrière, bien évidemment, tout à l'heure, vous avez, j'ai mis ça, le premier numéro est de 1989. Il se trouve que, pour une fois, c'était l'inverse de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait des Hollandais et des Anglais qui ont servi de moteur pour un travail de rencontre d'universitaires, de colloques, de congrès. J'ai eu le plaisir, moi, d'être à Bordeaux en 89, à Montpellier en 90. Et donc, de fait, déjà en 93, Jean-Philippe Jeunet disait « Il y a urgence à former nos étudiants. » Et tu as cité Martin Coco aussi tout à l'heure. Et naturellement, de fait, quand vous regardez, je vais juste vous en projeter un exemple, vous voyez, on a l'ordinateur du musée d'historien. Là, on est, je crois que c'est 90, donc c'était les rencontres de Bordeaux. Donc, pour dire que si on est historien, il faut penser de temps en temps à aller rechercher ce qui s'est fait. Pensez à aller voir ce qui se passe aussi à côté. Voilà les Américains. Ici, Rosenzweig, j'ai eu le plaisir, moi, de traduire un article qui avait été sur Wikipédia en 2006, au moment où ça castagnait. Wasseline présentait ça comme l'erreur à haut débit, et j'en dirai autre chose là quand on parlera d'écriture. Donc, il y a bien évidemment une formation qui est une formation, je dirais, une histoire, une formation intellectuelle, bien évidemment, dans laquelle il faut voir justement quels sont les outils qui pourront améliorer ce que vous allez faire. Et l'exemple que je voulais juste prendre, c'était celui-ci, celui de la cartographie statistique. Alors c'est de la géo, mais vous faites là, et le débat que j'ai moi, c'est que je trouve, j'ai du mal avec la carte par surface. Parce que si je suis en Lozère ou dans l'Aveyron, il n'y a personne à côté des Bouches-du-Rhône ou à côté du Nord ou du Pas-de-Calais. Et par conséquent, les points proportionnels permettent de dire, attendez, on parle de quoi? Essayez de situer les Noirs aux États-Unis. Ils sont systématiquement dans le Sud-Est. Ah non! Ils sont à New York, ils sont à Chicago, ils sont, etc. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ça oblige à réfléchir sur la cartographie. Et naturellement, l'intérêt... Ah, l'intérêt, c'est qu'après, ce qui a fait le changement, j'ai travaillé un moment avec des informaticiens, des programmeurs qui ont qui ont défini un logiciel qui s'appelle Logistar dans les années 90. Et là, en l'occurrence, on permettait de travailler sur le prix des salaires, le prix du blé, à différentes années du 19e. Bon, c'est très, très, très ponctuel, si vous voulez. Mais surtout, la grande différence, c'est que là, moi, j'avais tapé les chiffres, alors que quand je suis avec Geocrit, j'ai d'emblée pour les 3000 états de comté américains les chiffres, tapés. Donc j'ai un travail simplement de réflexion sur les sources, d'analyse, et voir ce que je peux en tirer. L'idée c'était de montrer que, n'est-ce pas, le Sunbelt qui était dynamique, bah oui, c'est là aussi qu'il y avait les poches de pauvreté les plus sévères, et ça permettait de contredire ça. Encore un ou deux points pour ça, naturellement, ça veut dire que ça peut aussi, avec une application régionale, excusez-moi, je suis en train de chercher celui-là. Attendez, vous l'aurez uniquement en image, parce qu'on peut l'agrandir. Là, c'est un travail avec un lissage qui montre, en réalité, les moins de 20 ans qui sont à 10 km autour de l'agglomération. Parce que les parents sont installés là, 25 ou 30 ans. Donc, ça, c'est une logicarte, et c'est des chiffres que vous n'avez pas attrapés. Sur la... Donc, qu'est-ce que je fais là? Je vais avoir enseigné simplement la statistique, c'est plus simple que même des gens de littéraire pourront faire. Je vais ensuite essayer de leur faire analyser, puis aller sur des terrains qui sont les leurs. Et donc il y a une formation qui est une formation technique, mais qui est une formation générale aussi, hein, les deux. Et puis, dans tous les cas, bien évidemment, aussi garder un regard distancié. Excusez-moi, je crois qu'il y a une carte qui me manque. Là, je suis mauvais. Je la retrouverai tout à l'heure probablement, si c'est celle-là que je voulais vous montrer. C'était dans un scan géo. Mais elle est quand même assez super, c'est le grand plus de circulation en Europe. J'espère qu'il y a quelque chose qui vous choque. En Europe, hein, c'était l'Europe de 95. C'était dans le Belin. Non? Regardez, Madrid n'est pas en Europe. D'accord? Qui est-ce qui a fait la carte? L'atelier cartographique de Barcelone. Voilà, elle en fait tout. On continue. Merci beaucoup. Vous êtes ravis de donner la parole à la salle après ces petits apéritifs sur la formation qui m'ont donné beaucoup de pistes. On va laisser Frédéric, qui est aussi très impliqué, réagir, et éventuellement nos deux autres intervenants qui ont le droit d'avoir un avis sur la question. Personnellement, je me fais... En fait, l'absence de l'effet générationnel, c'est-à-dire que ceux qui maîtrisent le mieux les outils informatiques, il n'y a pas de corrélation entre l'âge et la maîtrise de l'outil informatique. Par contre, tout le monde est persuadé qu'il y en a une. Et j'ai déjà eu des étudiants à qui j'ai expliqué l'utilisation d'un certain nombre d'outils, me répondre que tout ça, ça ne sert à rien, puisqu'il y avait Google et Facebook. Sauf que, déjà, Google, ils ne savent pas l'utiliser correctement, parce qu'il y a la recherche avancée, il y a des outils supplémentaires comme Google Ngrams, un peu plus évolués encore, qu'il faut apprendre à utiliser, et que Facebook, c'est pas comme c'est que je l'utilise, hein, mais couramment, mais c'était simplement envoyer quelques mots sur des serveurs et se déposséder de ces mots-là. Après, il y a une interaction sociale qui n'est pas une intéressante, mais cette dimension-là n'était pas perçue. Je vais aussi aller plus loin que Daniel Le Touzé, c'est-à-dire que je vais faire encore plus celui qui dit qu'il faut vraiment aller chercher loin, parce que les sources du web c'est au moins 1945. On est aujourd'hui avec les outils numériques plutôt dans le temps long maintenant. Enfin 50 ans, ce serait pas encore du temps long, mais on n'en est pas loin. Et il faut aussi le construire. Les premiers, alors il y a une thèse qui avait été dirigée par Jean-Philippe Jeunet, mais qui n'a jamais été terminée sur les historiens d'ordinateurs. Et le premier supercalculateur arrive en France en 55, le premier article utilisant le supercalculateur est un article des annales de Daline Domard et François Furet qui parle en 1959. Donc dès que l'informatique est apparue, même si dans un premier temps on parle encore de mécanographie, elle a été utilisée par les historiens. Et donc il y a cette absence d'effet générationnel, en tout cas sur l'alphabétisation numérique, et il y a le fait que nous sommes déjà dans le temps long et que nous pouvons nous retourner et faire valoir déjà des expériences qui se sont tenues. Voilà l'impression que j'ai eue. Et je note que mon expression de Facebook native qui a été forgée après une séance avec des étudiants dont je suis sorti furieux, à la fois contre moi, parce que manifestement je n'avais pas été bon pédagogue, et contre mes étudiants qui manifestement étaient beaucoup trop passifs, à une certaine popularité. Voilà. Réaction éventuellement des deux hommes, des ensembles des intervenants et puis la salle. Je veux bien rebondir sur ça. Il y a un article du sociologue Dominique Carton que je vais avoir le plaisir de croiser samedi dans les rencontres Wikimedia qui ont lieu à côté de Sciences Po, à Paris Descartes. Et il a un article où il confronte les deux cultures, c'est-à-dire la culture plutôt du contenu avec un peu de socialisation si vous voulez, et la culture de la socialisation où le contenu est superficiel parce qu'on est dans le divertissement et dans l'entre-soi et pas dans la dimension intellectuelle. C'est publié pour la FAP d'Elle, qui est les documentalistes, mais il est pas, je crois pas qu'il soit en ligne encore, je lui demandais de pouvoir le mettre en ligne parce que c'est intéressant cette confrontation des deux univers. Et de fait, on est tous plus ou moins tombés dans Google, c'est-à-dire que si on cherche le contenu. Accessoirement, si on connaît l'auteur, ça nous arrangera, mais c'est pas la priorité. Alors que c'est sur Facebook, si vous allez voir quelque chose, vous allez voir des gens que vous connaissez, éventuellement s'ils ont écrit quelque chose. Et là, bien évidemment, c'est un ouvrage. Alors c'est un atelier Ménestrel et Jean-Philippe Jeunet, qui a duré plusieurs années, 5 ou 6 ans, et qui a été publié ensuite à l'École française de Rome. Et juste pour l'anecdote, de fait, quand vous avez le tableau avec bien sûr l'écran ou l'ordinateur au premier plan, il va de soi que si vous utilisez un moteur inversé qui s'appelle Team High, il vous trouve Pierre Mignard, le 789, et là bien sûr la copie vient du web perdu. Juste une petite précision, j'ai des choses du type, j'ai fait une enquête avec des étudiants en master, alors vous pouvez vous prendre sur parole, mais vous pouvez aussi aller voir sur le site de la FFE, il y a un lien vers un blog, genre un billet sur la boîte là aussi, où j'ai mis toutes ces informations-là, de façon à ce que vous puissiez voir, je ne vais pas aller pour les présenter là, mais donc, vous pourrez les voir du coup, c'est le lien tout en bas. Tout en bas. Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là. Et donc là, c'est pour dire que effectivement, c'est pas une question nouvelle, les premiers, donc c'est dans le programme de Google, sur lequel je suis quand même très critique, il y a un billet de la boîte à outils dessus, mais c'est pratique en termes pédagogiques. En réalité, je le mettrais pas dans ma mémoire, ou alors j'ai une introduction pour rigoler, mais pas pour essayer. Mais en tout cas, j'ai fait des recherches sur ce qui était intéressant sur ce graphique-là pour montrer qu'il y a une question vraiment ancienne, puisqu'on parlait déjà de révolution informatique il y a longtemps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est sur le graphique juste en dessous, j'ai comparé Digital History, Computational History, etc. C'est que ça, c'est dans la base des textes en anglais, américain compris. On ne trouve strictement... Il n'y a aucune référence qui a été considérée comme représentative par Google dans la base française. c'est quand même révélateur aussi de quelque chose, puisqu'on parle quand même aussi du digital humanity, ou d'histoire numérique. Alors j'ai cherché histoire numérique, histoire digitale, ce genre de choses. Rien n'apparaît dans l'Ingram de l'âge française qui révèle déjà des... À mon avis, ça révèle surtout les lacunes de l'Ingram, mais ça révèle aussi, peut-être qu'on en parle un peu moins que dans mon association. Juste pour préciser, si quelqu'un ne sait pas ce qu'est Google Ngram, c'est un outil de Google qui permet de mesurer l'occurrence de mots ou d'expressions dans la base de données de Google Books. Donc, dans la dernière fois, j'en avais entendu parler, c'était 6 millions, mais je crois que ça a augmenté depuis. 6 millions de livres. Donc, c'est 6 millions de livres qui ont été numérisés par Google, mal numérisés, mais ça permet quand même un outil. C'est intéressant, j'ai participé à une école d'été sur l'européanisation. En septembre, et on s'est posé la question de savoir à partir de quand a été utilisé le terme européanisation avec Google Ngram. On a pu constater que c'était bien plus tôt qu'on ne le pensait, c'est-à-dire en gros dans la deuxième moitié ou dans les années 1860. À partir des années 1860, dans le monde anglo-saxon, en France et en Allemagne un peu plus tard. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut intervenir? Je passe le micro à propos des usages générationnels et des Google Ngram. Un bel exemple d'une personne qui a mis ça dans le début d'un livre de recherche, Christophe Charles, dans son étude sur la modernité, qui l'a rajouté au dernier moment dans le manuscrit, dans l'introduction, parce que quelqu'un qui avait relu le manuscrit avait dit, mais quand même, vous n'objectivez pas ce que vous dites sur les usages du mot modernité. Et ce qui est tout à fait symptomatique, c'est qu'il a été cherché dans Google Ngram du doigt et pas dans son texte, pour le coup aurait été plus adapté, puisqu'il y a un service beaucoup plus ancien qui a été fait par des chercheurs en effet en linguistique, pas en histoire, mais donc en histoire des textes. C'est une base de données à dominante littéraire, ce qui est la force et calmante, le calmant des textes en français, donc en français, pas en anglais. Et c'est assez amusant pour quelqu'un comme Christophe Charles, dont Martin fait comme moi, qui n'est pas dans le numériquement natif ou numériquement acquis, que lorsqu'on lui dit de faire ça, il le fasse, d'une part, et qu'il le fasse sur un outil qui a été vulgarisé dans le monde en général et pas dans le monde de la recherche, et sans le commander au final. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut faire. Bien sûr. Donc c'est assez intéressant comme exemple de ce qu'on peut apprendre, qu'on peut espérer que nos étudiants ne font plus dans quelques années. Juste pour préciser, la critique principale sur Ngram, c'est qu'on n'a aucun accès au corpus, on ne sait pas ce qui compose le corpus. En fait, on peut cliquer sur un lien qui va nous montrer un certain nombre de livres, par exemple, là, sur ce résultat-là, comme ça va de 50 à 2005, on aurait des liens, type de 50 à 65, chercher Digital History dans la base Google Books, on va cliquer dessus, on aura accès à des extraits, mais qui ne constituent pas l'intégralité du corpus interrogé. Donc en fait, on ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. On a le résultat. Alors c'est quand même très intéressant par contre pour étayer des choses qu'on a pu vérifier par ailleurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a assez de sources sur un sujet précis, on va pouvoir le représenter avec le Ngram, c'est intéressant parce qu'en plus sur deux secondes on sort un graphique comme ça, ça prend vraiment très peu de temps, mais vraiment c'est une vraie limite, c'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qui compose ce corpus. C'est intéressant parce que c'est une réplique et pas une preuve, hein, ce qui est aussi un renversement du rapport ensemble et du journal ordinateur, qui est toujours supposé être cette chose dure et scientifique, et du coup on ne questionne pas. Retrouve aussi un certain nombre de collègues. Là on voit bien qu'on est dans des données déjà faites, comme je le rappelais pour les chartes aussi, qui appellent la critique sur rien de plus. Sur la critique d'Ngram, il me semble que Kazulis, le sociologue, a dû faire des choses quand il y avait eu les émeutes en Angleterre, et la répression très vive, parce qu'il s'était servi ça, il montrait les limites aussi de ça appliqué à la sociologie et à l'actualité immédiate. Il y a des questions, commentaires de tout l'ordre, c'est trop dit que vous dites, évidemment, nous, les gens sont plutôt d'accord entre eux, mais vous n'êtes pas d'accord avec les journalistes. D'accord aussi. Ça doit aller. D'accord. Donc, Pierre Ménis, j'ai donc une visite des expériences d'enseignement de la France première année jusqu'au master et voire des ateliers au doctorat. Donc, effectivement, il n'y a pas de, je le confirme, il n'y a pas de natif. Les étudiants en première année, même s'ils m'expliquent souvent que des fichiers, et qu'on les met sur un tableur, qu'on les amène à réfléchir à partir de ce qui se passe, que par exemple, on a structuré, la saisie, etc., même sur le modèle de la manipulation du tableur, ils ne les lisent pas. Alors, en revanche, sur la question générationnelle, c'est peut-être un peu provocatrice, à la fois une question et peut-être une question un peu provocatrice. Je me demande si il n'y a pas quand même une question générationnelle. Je dirais effectivement le recours à l'informatique est entière. Il y avait beaucoup d'informatique des premiers temps, il y avait quand même une collaboration entre l'historien et le programmeur. C'est-à-dire que le travail de l'historien était encadré par le programmeur qui connaissait les limites de l'outil. Et ensuite, il y a eu la micro-informatique et chacun son ordinateur, son logiciel, et pense pouvoir faire tout seul. Et moi, de mon point de vue, une analyse que je fais, mais je pense qu'il faudrait peut-être la poser, c'est qu'on a eu une régression, une régression épistémologique, et dans l'utilisation de l'outil, avec la micro-informatique, parce que là, il n'y avait plus d'air de tout de l'informaticien derrière. Et bon, j'en veux pour preuve, parce que je suis tombé aussi dans le piège, c'est l'usage qu'on a pu faire des bases de données, avec des sources différentes, et puis donc on travaillait simplement sur un formulaire, et puis bon, on met des champs, et puis on mettait des informations pour des sources, et puis finalement, au bout d'un moment, on n'a pas structuré les données qui n'étaient pas suffisamment structurées, ou la réflexion n'était pas à débuter, pour savoir finalement d'où venait telle information ou telle information. Ce qui fait que là, quand même, il y a une régression épistémologique par rapport à ce qui est le cœur du travail de l'historien, qui est le sourçage des données. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a quand même un effet générationnel. C'est-à-dire que la micro-informatique, et puis l'aspect un peu individuel, le travail individuel et l'autocondation sur l'outil, ne s'est pas accompagné sur des outils qui d'ailleurs sont en fait pour les historiens, ne s'est pas accompagné d'une réflexion sur le bien que ces outils pouvaient apporter sur notre pratique, et éventuellement comment les utiliser, ou bien les détourner, ou les utiliser dans notre pratique. Donc qui est le cœur du métier en quelque sorte, le travail sur la source, la coopération d'informations, et ça renvoie, et je finirai là-dessus, un autre problème, effectivement, la situation des corpus. Le problème, c'est que, effectivement, tout projet maintenant, on va faire une base de données, on va faire un corpus. Le problème, c'est que maintenant, l'enjeu, c'est comment on croise le corpus. Et alors ça, c'est vrai pour les historiens, mais je vois qu'on rejoint une problématique qui n'est pas propre aux historiens, qui est une problématique du côté des archivistes, qui est une problématique du côté des bibliothécaires, c'est-à-dire la mise en commun des catalogues autorisés. Pour pouvoir croiser les informations, c'est la même chose pour les instruments de recherche et la généralisation des instruments de recherche en archive. Les index qui étaient des index liés à un instrument de recherche propre, maintenant pour les mettre en commun. Donc, il faut mettre en place aussi des catalogues d'autorité. Et nous, quand on fait des bases de données, il faut aussi qu'on ait des catalogues d'autorité pour mettre en relation les individus qui appartiennent à plusieurs bases de données, etc. Voilà, c'est des champs qui s'ouvrent à nous et je crois qu'on n'a pas encore vraiment. Il y a encore un vaste travail à faire dans la corporation. Oui, justement, sur ces questions-là, c'est à un moment donné, j'ai dit que les formations devaient absolument être données par l'historien, là je parle vraiment de la base. En réalité, après, pour ce qui va être un peu plus évolué, je pense à des choses comme la TEI, c'est-à-dire le codage de texte en XML avec un XML particulier, etc. Et là, des choses beaucoup plus évoluées, on a besoin d'intermédiaires. Alors ça, c'est des choses que Frédéric a déjà beaucoup travaillé sur son blog. J'ai mis les quelques liens, d'ailleurs, c'est tout en bas dans le billet. On a besoin d'intermédiaires, c'est des nouveaux métiers, ils n'existent pas encore. Alors pour le coup, on peut être optimiste, puisque, alors là j'ai mis le lien uniquement vers celui de l'école des chartes, parce que cette formation m'a vraiment impressionné. On voit apparaître, voilà, c'est ça, des masters en technologie numérique appliquée à l'histoire. Les gens qui vont sortir de ce type de master seront des gens qui font très bien l'interface entre les historiens et les informaticiens, justement, qui seront capables, normalement, de faire le dialogue. En tout cas, on aura des gens qui seront formés au double langage. Après, la vraie question qui se posera à nous pour ce genre de choses-là, ce sera toujours la même, c'est la question des postes. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrivera à embaucher des gens qui seront ni totalement administratifs techniciens, ni totalement chercheurs. Il y a des universités, enfin des écoles qui sont en train de créer des postes comme ça, mais c'est très, très, très marginal. Mais on aura vraiment besoin de ce genre de choses-là. C'est-à-dire, dans un labo, il faudra absolument que quelqu'un soit capable d'identifier les besoins des chercheurs et de les traduire pour les informaticiens. là aussi, il y a des pionniers, parce qu'il y avait Gauthier Poupaud, par exemple, à l'école de Chartres, qui a quand même assuré généralement les choses au départ. Sur ce que vous dites, à la pratique, alors, on sera d'accord, hein, mais c'est vrai que moi, j'ai eu des contacts différents, c'est-à-dire que j'ai eu à la fois des gens de problématiques en particulier avec lesquels je pouvais bosser, mais c'était des choses qui intellectuellement n'avaient pas beaucoup d'intérêt maintenant qu'on le regarde avec recul. Je me suis trouvé aussi avec l'INRP à un moment, avec des informaticiens qui étaient pas scandaleux, c'est-à-dire qu'ils étaient incapables. On avait à transférer un site sous le projet d'interface, ils ont été incapables de fournir un outil qui permette de transférer 10 fichiers à la fois, ce que fait n'importe quel SCP ou n'importe qui permet. Alors là, après, on est dans des questions d'institution, c'est-à-dire qu'il y a des gens, pour moi, la révolution, elle est là, hein. C'est-à-dire que je connais quelqu'un qui travaille dans l'archive, je promets qu'entre recopier au crayon l'ensemble des trucs et avoir la charge, une charte médiévale à la VNF avec un photographe professionnel, c'était 600 euros, et en noir et blanc. Ça, en Angleterre, c'est deux secondes et c'est quelque chose d'exploitable. Donc on est là avec des problèmes d'institution et de structure. Et bien évidemment, les informaticiens de Google, je ne les connais pas, mais ce que je vois, c'est que quand ils font des outils, ils font que moi qui ne suis pas informaticien, je sais m'en servir et je peux essayer de faire quelque chose de pas trop bête avec. Et de temps en temps, j'aimerais bien que tous les informaticiens aient cette logique-là. Parce que de temps en temps, c'est plutôt l'historien qui va cadrer l'informaticien pour et pas simplement sur cette logique-là. Mais coopération, oui, interactive, parce qu'on n'est pas forcément tous informaticiens. C'est vrai par contre que sur les trucs concrets, j'ai vu, je connais un bon informaticien, c'est vrai qu'une ligne de code, je vous promets que ça résout des tas de problèmes. C'est vrai que c'est important, c'est d'identifier les bons interlocuteurs, et c'est aussi quelles sont les incitations pour le futur entre l'entrepreneur et la recherche. Parce qu'actuellement, les incitations sont de s'associer entre chercheurs en informatique et chercheurs en histoire, par exemple. Mais généralement, les besoins qu'ont les chercheurs en histoire ne sont pas très équivalents pour les chercheurs en informatique. Sauf à trouver des chercheurs en informatique qui cherchent justement sur ce qui nous intéresse. Et un très très bel exemple, c'est Jean-Marie Pécat, qui est une tête de CETE, que certains connaissent déjà, qui vient travailler avec des historiens, parce que son domaine de recherche en informatique, c'est les interfaces comme machines. Et donc, c'est l'ergonomie, c'est le fait que les utilisateurs comprennent et puissent faire ce qu'ils veulent. Donc là, c'est le genre d'information dont on a besoin. Et c'est vrai qu'il y a un énorme malentendu qui a la fois lié à des structures qui préfèrent qu'on collabore entre chercheurs pour d'embaucher des ingénieurs. Et puis, peut-être un passé qui fait que par informaticien, on pense programmeur, on pense statisticien, évidemment les autres programmes aussi, mais on pense pas forcément si ça avec des interfaces ou du data mining, qui sont peut-être les gens avec qui on a déjà parlé aujourd'hui. Mais je pense qu'avant de repasser la parole, il y a une question qui a été effleurée, qui est importante, c'est la valorisation de mon métier et de votre temps. Donc que Martine en aurait beaucoup à dire, parce que c'est qu'un ingénieur de recherche aujourd'hui en histoire, et le fait qu'on est en train d'étendre ce corps-là, parce qu'effectivement, il y a des choses que les ingénieurs de recherche faisaient avant, que les chercheurs préfèrent faire eux-mêmes maintenant, peut-être, mais il y a sans doute un grand nombre d'autres choses qui n'est pas optimal de faire faire par les chercheurs. Juste un prolongement, moi je ne suis pas Google Maps, plutôt Google Earth, mais là par exemple vous avez une carte des bombes tombées sur le cœur de Londres en 40 et 41, de même que dans les Quinoles, avec une carte des enfants juifs arrêtés. Ce qui veut dire que là on est sur des outils ensuite que n'importe quel enseignant peut éventuellement intégrer à son travail. Parce que des gens ont fait le boulot techniquement, sans que nous on ait besoin des techniciens. Je vais prendre encore juste une remarque en comprenant l'appareil photo. Parce qu'aller dans les archives, prendre les archives en photo, effectivement, on nous facilite, c'est la même chose qui est Google. Mais après, passer l'ensemble de ces photos et les transformer en corpus, là, l'historien peut le faire seul. Et c'est là qu'on voit l'articulation entre les compétences techniques que doit acquérir l'historien pour améliorer sa pratique de l'histoire avec les outils informatiques et les compétences techniques et les méthodes qui nécessitent que l'historien travaille avec des ingénieurs. Mais si vous écoutez les journalistes, vous savez bien qu'un historien, c'est celui qui recopie ses archives, qui les photographie, je blague à peine, hein, ou c'est celui qui se passe devant un témoin. Et bien évidemment, quand je vous ai montré le tri tout à l'heure, je n'ai pas vécu à cette époque-là, hein. Et un journaliste, ben non, c'est pas l'histoire. Vous savez bien, le témoin, les archives. Non, l'historien, c'est celui qui pose des questions et qui constitue son corpus, on est d'accord. Mais ça, il faut changer l'image des journalistes. Hein. Allez, si, mais non, mais c'est important, c'est important. J'ajouterais à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a d'abord, il ne peut pas forcément utiliser son corps physique tout seul, mais en plus, il faut absolument qu'il apprenne ce qu'il a perdu en prenant une photo. Parce qu'en fait, on part du principe qu'on a gagné quelque chose parce qu'on prend sur son photo, mais on perd la matérialité du document, pas forcément uniquement l'archive. Et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, j'insiste tout le temps dessus, c'est que c'est les historiens qui doivent former les jeunes chercheurs à ces questions. Je pense notamment au séminaire de méthodologie de la recherche en histoire qu'on faisait à l'HESS et dont devenir historien en fait est une sorte d'émanation quand j'ai arrêté. Dans ce genre de séminaire-là, on explique aux étudiants ce que c'est un document. On invite des chercheurs à expliquer comment eux ils travaillent sur un document, que ce soit photographique ou pas, et c'est uniquement des vrais chercheurs, c'est-à-dire que des gens qui ont cette habitude, que ce soit même d'ailleurs d'autres étudiants en master, c'est-à-dire des gens qui sont confrontés à ces questions-là, qui peuvent ensuite permettre d'éviter un certain nombre de nouvelles difficultés que crée la technique, parce que ça ne fait pas que nous arranger, il y a des choses qu'on perd, qu'il ne faut pas malgré tout oublier. Non, il faut les stocker. Oui, je c'est un pays où la première chose dont il se prend et qui est très addict, c'est le problème des non-sociétés informatiques. Je pense que c'est le premier élément de formation, et ça serait une bonne réflexion des citoyens entre eux, du corporatif, pour proposer un format de type de fichier, parce que les échanges de plus en plus d'étiquettes entre eux, qu'on se rend compte nous-mêmes que nos fichiers n'aura pas l'un donné, qu'on ne les retrouve plus, ou que le temps qu'ils venaient ne sont pas temps. S'écrase les uns les autres, on donne un peu comme les autres. Donc, rien qui a ajouté à ça, et proposer ça à nos étudiants, donc j'ai déjà essayé de trier les outils remis par le format électronique de nos étudiants, c'est compliqué. Donc, rien de ça, ce serait, si ça peut être, en termes d'actualisation numérique, etc. Puis il y a une deuxième question qui est le vertige provoqué par le nombre de photographies prises par les historiens dans les archives. Est-ce que pour mettre en commun finalement ces deux-là et qui forcerait les gens à nommer ces photos? Parce que quand vous demandez à un historien ce qu'il a fait de ces photos deux ans après la recherche, et ben, il a un dossier avec des noms de photos à l'intérieur, et il ne sait même pas parfois à quel point l'archive s'est adressé. Il n'y a pas de date de consultation, il y a vaguement on des cas de code, et ça s'arrête souvent. Et là encore, créer un instrument collaboratif de dépose des archives numériques. C'est vrai que dans notre position très institutionnelle française, c'est pas le cas, mais est-ce que c'est plus complexe que ça? J'en sais rien. Et j'ai déjà en ce temps, d'échange de fichiers numériques avec les archives de la Banque de France, tout le monde que même les archives sont des demandes de l'archive. J'ai essayé à ta phrase, mais j'ai un qui ont des plateformes, des planètes, quelque chose de... Ouais. En unité, pareil. Alors ça existe déjà en fait, c'est-à-dire qu'il y a un serveur de Zotero logiciel de bibliographie, ils ont développé Zotero Commons, qui est en lien avec Internet Archive. Et donc l'idée c'est que vous ajoutez à votre base de données Zotero vos documents d'archives, donc en les nommant, en indiquant du histoire, etc. Vous soumettez ça au serveur de Internet Archive, eux ils vérifient que le document soit propre. S'il est propre et qu'il est accepté, ils font une auscérisation, donc une reconnaissance de caractère, ils vous renvoient le PDF. Et du coup, mais en échange de ça, vous partagez. Alors là, il y a une grosse difficulté, c'est le droit. C'est-à-dire que c'est du partage totalement public, donc on peut le faire tant que pas grand monde le fait, le jour où tout le monde le fait, il y aura un problème juridique. Alors, en revanche, il y a une autre solution qui est celle que, par exemple, développe le groupe Images pour les photos du GAOM, en fait. On avait invité dans notre formation qui n'existe plus à l'HSS Pierre-Olivier Dittmar, si je ne me trompe pas sur son prénom, qui lui travaillait donc dans ce groupe. Il nous expliquait qu'ils avaient une base de données interne de nos groupes de recherche. C'est-à-dire qu'en termes de juridique, ils ne pouvaient pas la communiquer à l'extérieur, la mettre en ligne. En revanche, ils partageaient les documents. Et donc là, en revanche, il y a peut-être des choses à faire au niveau des labos, puisque les spécialités sont assez proches, normalement, dans un même labo. Et on peut l'espérer. Et là, il peut y avoir l'idée d'une mise en commun. Et après, la vraie question, c'est la question des serveurs. Il faut que l'institution mette à disposition. Moi, je sais que, par exemple, rien pour ma thèse, en photo que je compte utiliser, donc j'enlève le déchet. Récemment, comme j'ai fait une sauvegarde, j'ai vu combien j'ai à peu près 35 gigas de photos. Si on multiplie ça par le nombre de doctorants d'un labo, le nombre de chercheurs par le nombre d'années, on arrive vite à quelque chose qui est assez limité. En tout cas, en l'état actuel, de ce qui est mis à disposition des doctorants et des chercheurs en termes d'espace de stockage. Oui, Vous me permettez de comprendre pourquoi je me suis intéressé à cette affaire-là, parce que dès qu'on a mis le doigt dedans, il y a des tas de questions qui partent dans tous les sens, et de fait, et un certain nombre qu'on a croisé. Il y en a une première, moi je vais vous renvoyer comme brutalement. Si j'ai besoin de chercher n'importe quel sujet d'histoire, économique ou social, sur une université américaine, je sais que si je tape point aigu, j'aurai probablement en réponse l'ensemble des facs américaines qui ont fait ce travail et qui ont fait des choses en ligne. Si je suis en France, j'ai eu Thierry Bourgogne, j'ai Unicamp, j'ai etc. Il paraît qu'on est dans un pays jacobin. On n'a pas été foutu d'harmoniser notre appellation. Et en plus, bien évidemment, chaque université d'histoire aura encore un titre différent de la fac principale. Et, attendez, n'est-ce pas, tout le monde vomit sur Wikipédia. Sauf que si je suis dans Wikipédia et que je corrige une phrase ou j'ajoute une donnée, dans la seconde, elle sera visible par tout le monde et sans qu'il y ait de problème. Et si le monde universitaire français comprenait cette démarche, on aurait fait un pas phénoménal. Bon. Et sur les adresses, pour avoir cité des noms d'adresses, hein, entre celles où il y a trois chiffres en 10 caractères, celle qui fait 5 lignes, celle qu'on récupère de Google. Alors bien sûr, si je fais le code, je n'ai pas de problème parce que l'adresse elle est cachée derrière. Mais si j'ai besoin de la faire, elle est incomplète. Bon. Si là aussi on pensait à des choses qui sont relativement simples, ce qui fait que le blog de l'utilisateur web, j'essaie de faire le plus simple et le plus concis pour qu'on puisse aller avec des tags récupérer l'article en 12-15 points. Mais le point est du point se dit, hein. Si on pouvait un jour avoir en France un point uni, ouais, mais normalisé. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, Google a fait le travail, faute de mieux, dans le sens où Google Scholar cherche dans les universités françaises, et donc ils ont rentré manuellement l'ensemble des adresses universités françaises, et ils en ont certainement trouvé au passage, toutes celles qui ont changé de plus. Oui, je voulais simplement faire une remarque à ce propos. J'ai en tête quelques exemples d'enseignants universitaires qui ont pu faire des recherches donc, par les étudiants et qui ont utilisé Wikipédia. Les collègues en question avaient remarqué qu'il y avait des erreurs dans ce pays-là. En fait, ils ne les ont pas corrigés. Donc, c'était en fait un piège en fait, pour les étudiants et en même temps un peu pour critiquer finalement la source informatique. Oui. On en parlera tout à l'heure après l'écriture si vous voulez bien, parce que c'est un vrai problème, mais moi je dis bien, harmoniser vos noms, qu'on sache où trouver des choses. Moi j'ai trouvé en 2009 quand il y avait le mouvement universitaire, là oui j'en arrivais, parce que là les collègues étaient obligés de trouver d'autres manières de faire. Sinon c'est une galère, pas possible. Juste, c'est quand même en train de changer parce que, enfin, il faut penser par exemple à des outils qui sont développés, notamment vous avez cité dans l'épinote tout à l'heure, Isidore, si vous connaissez, donc ces recherches Isidore, qui commence à vraiment fédérer, il essaye de faire intelligemment ce que Google Scholar fait en boîte noire en fait, on ne sait pas comment Google Scholar le fait, Isidore, moi seul en fait, et il suffit qu'une institution demande à moissonner et fasse le code, et donc on peut trouver quasiment tout ce qui existe, même en... C'est-à-dire que n'importe qui peut interroger la base, il y a des données payantes quand on tombe sur Kern, mais on a quand même le titre et le résumé. Pas forcément tout ce que les gens adorent, mais même que ça se développe, c'est quand même un grand équipement qui a du budget. Et j'ajouterais une chose, c'est thèse.fr. C'est-à-dire que pour moi, j'ai commencé avec le fichier central des thèses qui était quasiment inutilisable. Thèse.fr, c'est formidable. Alors, c'est pas toujours mis à jour. On voit, je connais un certain nombre de doctorants qui ont déjà soutenu depuis 2 ans, ils sont toujours thèses en cours. Donc. Mais en fait, ça, c'est les bibliothèques des universités qui mettent pas à jour. Donc, mais l'outil fonctionne assez bien. Pourtant, avant la thèse, il y a aussi des étudiants et qui ont besoin de ressources fiables sur lesquelles ils puissent aller. Alors, je sais bien que chaque universitaire va nous donner la liste de sites favoris, mais il faudrait qu'ils puissent avoir un sortage beaucoup plus simple que ce qu'ils ont. Juste une remarque pour Patrick et pour la question des photos en fond de marché. Il y a un billet de son entretien sur la boîte à outils de l'historien où elle explique très bien la méthodologie à adopter pour prendre des photos dans les archives couplées à Zotero. Et il fait très bien, c'est très concret pour les sauter, pour les nommer, c'est très bien fait. Et il y a des outils qu'on peut utiliser. Zotero est développé par les historiens. Le Centre pour les historiens mondiaux, et c'est vraiment des historiens qui développent. Et l'un des deux directeurs de ce projet d'Otero, c'est Sean Tucker, quelqu'un qui travaille sur les comptoirs français en Indochine, à l'époque moderne, je pense. Et c'est le premier utilisateur de Zotero, et il est intraitable avec ses développeurs dès qu'il voit quelque chose qui ne correspond pas à la méthodologie de l'histoire. Donc c'est quand même des outils qui existent et qu'il faut utiliser, des outils de connaissance. Et Zotero a aussi une fonctionnalité en ligne qui permet un partage minimum. Avec des groupes qui sont liés au rencontre, etc. Donc ça, c'est délicat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'on passe aux deux interventions suivantes ? Les deux débats ne sont pas totalement vivants. Non. C'est sûrement un des idées que j'ai le plus souvent cité à mes étudiants formés aussi en sociologie, celui qui explique à partir de l'expérience comment faire. Non pas seulement pour prendre en photo des touches, évidemment, mais pour se trouver dans les photos. C'est toujours trouver l'usage intelligent, et raisonner, je suis d'accord, quel que soit l'outil, même si c'est une tablette tactile, il y a des choses à faire. C'est déjà intensivement la deuxième partie, de toute façon, quand on fait Wikipédia, donc ça, il s'agit de... Je propose, on va dire la parole à ma solution. Alors moi, je n'enseigne pas, donc... L'alphabétisation qui m'intéresse, c'est d'abord la mienne et puis celle de mes collègues. Alors je dirais que c'est des alphabétisations en cours dans les deux cas, plus ou moins avancées. On parlait de ce soir. Je crois que les choses évoluent mais très très lentement, c'est-à-dire que certains de mes collègues commencent tout de même à avoir conscience que ce n'est pas forcément perdre du temps que d'en consacrer à Internet Recherche, par exemple. Hein. Et donc, il me semble que ça évolue très très doucement, mais avec toujours une grande méfiance, néanmoins, dominante. Alors, je voulais juste, moi, dans les 5 minutes, bon, j'ai pas de montre et je vois pas bien la mesure, mais donc, peut-être repartir des changements dans nos activités que mentionnait Emilien, là, en matière de pratique documentaire, mode de diffusion et puis échange, forme nouvelle d'échange. Juste faire un petit point sur moi, ce que je pratique, ce que je pratique pas et où j'en suis, en me centrant évidemment sur le carnet de recherche. Alors du côté des pratiques documentaires, moi je suis par exemple quelqu'un qui n'utilise pas du tout Zotero. Je ne m'y suis toujours pas mise. Et là, je crois que c'est vraiment parce que j'ai un vieux fond, non pas de fiches cartonnées, mais enfin j'ai un vieux fond de bibliographie, qu'il me semble évident que si je démarrais maintenant sur un sujet tout à fait neuf, j'irais, mais que, comme je ne refasse pas, je ne rajoute pas encore, mais enfin, j'utilise toujours des acquis anciens, que je complète et que je mets à jour, je ne me vois pas me lancer encore maintenant dans Zotero. Voilà. Pour le reste, il est bien évident que j'utilise des ressources documentaires en ligne, comme Wikipédia. Il m'arrive de les utiliser. Et par contre, je ne suis pas là, je suis consommatrice, j'avoue que je ne suis pas du tout productrice. Voilà, c'est un truc que je n'ai pas encore adopté. Je ne produis pas, je consomme. Je consomme aussi évidemment des ressources numériques d'IALICA, etc. Tout ce qui est articles de revues scientifiques en ligne, je consomme tout ça. L'appareil photo numérique, je l'utilise bien évidemment avec de faire attention de ne pas tomber dans les pièges qu'on vient d'évoquer. Récemment, au mois d'octobre, j'étais à New York et j'ai eu l'occasion d'aller aux archives de la Fondation Rockefeller, par exemple, et vraiment, je me suis, enfin, en fonction du nombre de jours que j'ai passé là-bas, je ne me suis autorisé d'appareil photo que sur la deuxième moitié du séjour, parce que j'avais le sentiment que sinon j'allais vraiment déborder complètement des limites, de certaines limites, et j'ai fait attention à ça. Enfin, on évite de déborder de ce côté-là, et j'ai encore moi-même là-dessus à m'alphabétiser beaucoup. Alors, sur un des travaux que je mène en collaboration, c'est l'édition du journal du libraire parisien Hardy, donc un libraire parisien du 18e qui a tenu son journal de 1753 à 89. Alors c'est une entreprise hantée numérique complètement, donc les volumes paraissent en papier. Néanmoins, on a un site web sur lequel on propose les index, index géographique, index onomastique, table des événements. Donc c'est quelque chose de mixte. Je trouve pas ça très satisfaisant parce que c'est pas très très beau point. C'est difficile d'imaginer que on ira au bout des 12 volumes en papier, quoi, parce qu'à chaque fois il y a 1000 pages à peu près, les 3 premiers volumes sont parus. Et viennent de changer d'éditeur, donc on espère que ça va aller un petit peu plus vite maintenant que ça paraît chez Hermann. Mais c'est vrai que penser à ce qu'on pourrait faire avec ce texte s'il était numérisé et accessible sur tout le monde, c'est vraiment un phénomène, quoi. Alors là, je trouve vraiment dommage que ce soit parti sous cette forme. Et bon, j'espère qu'un jour, tout ça sera numérisé et accessible. Alors, autrement, donc, autour du séminaire Femmes au travail, question de genre, 15e siècle, c'était un programme de 3 ans. Alors, cette année, il est un peu en pause, je ferai juste une journée. Mais, donc, dès que ce séminaire a démarré, j'ai créé ce carnet de recherche en ligne sur la plateforme Hypothèse, hein, c'était le début d'Hypothèse, dans lequel circule toute l'information relative aux séances de séminaire, bien sûr, de même que les enregistrements audio des séances à chaque fois que c'était possible. Et puis, alors, donc, cette année où nous n'avons pas encore de séance et où nous aurons peut-être seulement une journée en juin, je continue néanmoins une petite veille scientifique sur le sujet, donc sur l'histoire des femmes au travail. Je propose des lectures, là, le dernier livre est à propos du livre de Michel Perrault sur Lucido. Je peux proposer aussi de temps en temps des petits billets d'humeur. Enfin, voilà, ça continue à vivre, ça accompagne, ça prolonge le séminaire, mais pour moi, évidemment, la raison d'être au départ, c'était d'élargir l'audience hein, du séminaire et de proposer des enregistrements. Alors, c'est apprécié, évidemment, par les gens qui ne peuvent pas être physiquement présents. D'un autre côté, ça pose la question de la légitimité et de la publication éventuellement du séminaire. Donc ça, c'est un peu problématique. Je n'ai pas encore de position très très arrêtée. Alors, il est bien évident que je ne vais pas demander aux gens le texte de leurs interventions, mais lorsque, de toute façon, c'est un séminaire où on réfléchit beaucoup, donc je ne demande pas des travaux léchés, je ne demande pas aux gens de venir avec un texte écrit, ça ne sert à rien. Donc, je me disais, au bout des 3 ans, je vais demander aux participants qu'ils souhaitent de redévelopper un tout petit point sur lequel, depuis leur exposé en séance et à la suite des échanges qu'on a pu avoir, puisque c'est interdisciplinaire, leur réflexion aurait avancé et sur lequel ils voudraient revenir. Donc, faire comme ça un catalogue de questions un peu pointues. Et publier ça sous forme numérique vraisemblablement ou avec publication à la demande. Mais justement, c'est ce à quoi je vais employer l'année prochaine. Alors, autour des échanges nouveaux, des nouvelles formes d'échanges qu'on peut avoir, alors je voudrais dire un petit mot sur Twitter, puisqu'on est sur Twitter, on s'est rencontrés sur Twitter. C'est vraiment important. Alors, je n'ai jamais été sur Facebook. Hein. Dans mon alphabétisation, il y a une étape que j'ai complètement ratée. Je n'y ai jamais été, mais j'ai été très tôt sur Twitter. Et je trouve que vraiment, ça fonctionne bien en complémentarité avec nos pratiques de blog. Et puis, c'est vraiment une formidable façon de faire circuler l'information très très vite, justement sur ce qu'on met en ligne. C'est pour moi le meilleur outil à ce niveau-là. Bon, alors évidemment, des fois, il y a des effets un peu boule de neige, feu de paille, enfin, ça part un peu dans tous les sens, hein, de temps en temps, mais il y a vraiment un usage très très utile et efficace de Twitter quand on sait l'utiliser, évidemment, et qu'on gère correctement ces listes de personnes suivies et qui nous suivent. Donc, ça, c'est important. Alors, de Twitter, naître finalement, on arrive à faire un labo virtuel, un collectif de travail qui est complètement à côté du collectif physique, du laboratoire auquel on appartient. Je trouve ça très agréable, vraiment, d'avoir cet autre lieu. C'est très enrichissant, c'est vraiment décloisonnant, c'est une respiration ailleurs, et puis ça amène à des productions réelles, enfin, ce laboratoire virtuel qu'on entretient tous ensemble, là, a débouché sur un carnet de recherche qui s'appelle Réflexivité. Donc c'est un vrai carnet collectif qui, l'an dernier, donc pendant 12 mois, a fonctionné, enfin, cette année, qui se termine, a fonctionné avec un rédacteur par mois. Donc c'est un truc qui fonctionne bien et qui est une émanation directe des relations qu'on a créées sur Twitter. Donc finalement nos pratiques virtuelles et réelles se complètent et s'enrichissent. Voilà, je sais pas si j'ai utilisé 5 minutes. Alors, on peut lancer avec l'électricité, mais je ne sais pas me servir de ce truc-là. Il est dans mes liens qui sont sur le côté, mais je ne vois pas. Oui, on ne voit pas bien les trucs. Mais en tout cas, c'est vrai. Je vais aller sur l'hypothèse et puis. Oui, ben voilà. Le temps qu'on se soit trouvé, je vais juste faire une remarque sur la numérisation de la qui. Il y a un cas absolument problématique. Que sont les documents diplomatiques français. Lorsque la commission qui a sélectionné les documents qui ont été publiés dans les documents diplomatiques français, qui a sélectionné ces documents, elle n'a pas reconnu des copies. Donc si aujourd'hui on veut numériser les documents diplomatiques français, on ne sait pas où se trouvent les documents. Et c'est le genre de problème très complet qui peut se rencontrer, qu'on peut rencontrer, et qui explique aussi d'avoir une certaine méfiance. Mais aussi la lenteur de certains processus processus d'acculturation aux outils numériques. Et non seulement ils n'ont pas les codes, mais ils n'ont pas le début d'amorce d'un projet pour numériser quoi que ce soit. Alors que des documents diplomatiques, si on regarde ce que font les documents diplomatiques suisses, on regarde les Foreign Relations of the United States, c'est par définition le genre d'archives publiées, donc c'est absolument inutile d'avoir une version papier, et c'est inutile d'avoir la version numérique, parce que la recherche par nous fait partage, etc. Et c'est beaucoup plus efficace de l'utiliser en ligne. Et ben, là, on peut juste pas. Pour les documents diplomatiques français, on peut juste pas, et en plus, il n'y a pas de plan pour le faire quand il arrive. Maintenant que je l'ai trouvé. Oui, voilà. C'est donc l'espace. Oui, voilà, c'est l'espace dont. Non. Non, c'est juste mon âge, j'imagine. Donc, je vais vraiment garder. Oui, ça va, merci. Donc, comme Martine vous disait, qui est un espace tenu mois par mois. Alors, mois par mois, ça veut dire une production de billets autour de 3-4 jours, ce qui est, mine de rien, quelque chose d'assez éprouvant, hein, pour l'avoir fait au mois de juillet. Et ça, c'est les 3 jours, un billet qui vaut quelque chose, en quelque sorte. Hein. C'est un travail assez difficile. Je ne sais pas ce que je vais pas vous rassurer. Non, vous avez joué mois de juillet, d'ailleurs, je crois qu'il est bien de le faire à partir de après la fête. Bon, on sera nombreux à le faire et de refaire. Alors moi, je voudrais justement partir de la plateforme Hypothèse et puis vous dire, encore une fois, un compte rendu d'expérience hein, qui est en cours. J'ai ouvert mon carnet de recherche il y a 2 ans, à un moment où, lorsque je préparais ma thèse, j'ai fait un moment assez critique où on ne sait pas exactement ce qu'on doit écrire, c'est-à-dire qu'on a accumulé énormément de lectures, énormément d'archives, et puis on oublie un petit peu le côté écrit, on est en train d'essayer d'élaborer un plan, c'est jamais très satisfaisant. Et l'idée était justement d'aller dans la direction d'une sorte de journal de recherche, mais qui ne soit pas un brouillon, qui soit un journal de recherche plus élaboré pour justement développer donc la réflexion et puis ne pas perdre l'habitude d'écrire parce qu'il ne fallait pas être submergé par exactement par exemple le fait de prendre des photos. Je tiens juste à dire que moi je prends énormément de photos parce que aussi quand on va un peu partout dans le centre d'archives, ça fait très vite. Et donc c'est aussi quelque chose qui est important. Et mon ambition était donc tout simplement d'avoir une écriture qui soit une écriture publique et qui soit une forme hybride entre un brouillon, donc un journal de recherche, et quand même des billets qui soient plus ou moins élaborés. Alors dans un premier temps, et c'est souvent le cas aussi sur les carnets de recherche hypothèses, on patauge un petit peu, c'est-à-dire que les quelques premiers billets, on a un peu de mal à savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut écrire, etc., etc., etc. Aujourd'hui, j'en suis à 60 ou 65 billets, donc depuis 2 ans, ça fait un billet tous les 15 jours, ce qui veut dire une certaine régularité, avec essentiellement 3 types de billets. Il y a quelques billets qui sont des billets qu'on peut assimiler, ou du moins j'espère qu'on peut les assimiler à ça, à des billets qui peuvent correspondre à des articles en quelque sorte, hein, c'est-à-dire des billets qui sont relativement élaborés, je vais vous prendre l'avant-dernier par exemple, qui sont donc simplement des comptes rendus de recherche sur tel ou tel sujet qui peuvent nous intéresser. Alors là c'est juste pour vous montrer la longueur en fait de ce type de billets, donc c'est plus long en quelque sorte, mais il y a aussi des billets qui sont vraiment des hypothèses, c'est-à-dire je trouve des informations, je ne sais pas exactement comment les manier, c'est plus qu'un brouillon, parce qu'effectivement je pourrais très bien le faire au brouillon, c'est essayer de traiter l'archive et essayer d'avoir une production écrite à partir de ce traitement d'archive. Bon. Alors, conséquence de tout ça, parce que c'est peut-être le plus utile, c'est-à-dire, d'une part, j'ai continué, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que je le fais, ça veut dire que ça m'a apporté un certain nombre de choses. Alors, ça m'a permis de bien cibler mon sujet, de bien cibler ma recherche, ça c'est quelque chose d'important. Il y a aussi le fait qu'on oublie trop souvent quand on fait une recherche, c'est les lecteurs. C'est-à-dire qu'on a un retour de lecteurs. Alors, comme Martine vous l'a expliqué avec le microblogging de Twitter, on peut avoir un retour de lecteurs. Il y a la possibilité de commentaires. Et du coup, on a une publicité de recherche, y compris si c'est une publicité de recherche en cours. Alors, se pose la question de la légitimité d'une recherche qui est purement une recherche en cours, non définitive, puisque je n'ai pas terminé, hein, avec toujours la possibilité je ne termine pas cette thèse, en quelque sorte, hein, et qu'elle ne sera pas reconnue institutionnellement. Bon. La plateforme d'hypothèse est déjà une forme de reconnaissance, comme vous a été montré là, le fait qu'il y ait des lunes, il y a une certaine reconnaissance en quelque sorte. Si je prends juste mon exemple, j'ai été grâce à ce carnet en contact avec un certain nombre de personnes qui sont ici présentes, mais aussi d'autres chercheurs qui, du coup, on a échangé des informations, hein, et selon un principe qui n'est pas un principe doctorant-directeur de thèse, parce qu'il y a toujours un rapport hiérarchique qu'il n'y a pas là. Hein. Et du coup, il y a un vrai échange qui s'est produit, c'est très intéressant, vrai échange qui peut mener jusqu'à la rédaction d'articles dans des cadres beaucoup plus précis, plus académiques, ou quelque sorte, culturels ou académiques. Autre chose importante, c'est que, effectivement, je me rends compte que le lectorat n'est pas un lectorat de spécialistes uniquement. C'est-à-dire que par ce biais-là, il y a une publicité, on va dire un public cultivé, même si l'expression peut être un petit peu, péjorative dans ce domaine, moi je n'aime pas cette expression public cultivé, mais on se rend compte que l'histoire est quelque chose qui intéresse énormément de gens. Je m'en sers aussi comme une sorte de carte de visite virtuelle. Hein, c'est-à-dire que je dois rencontrer par exemple des témoins ou des personnes qui ont des archives privées, et bien, ça me donne une confidence que je n'aurais pas forcément. Hein, samedi prochain, je vais rencontrer la fille d'un député qui a énormément d'archives privées. Il est clair que cette personne a accepté de me rencontrer parce qu'elle a vu elle-même, alors elle a 92 ans, mais c'est une fervente utilisatrice d'Internet, hein, qui peut parfois étonner, pour rebondir sur cette, on oublie parfois ça, mais, et du coup, il est clair qu'elle m'ouvre ses archives, qui sont des archives en plus extrêmement riches, et peut-être problématiques, puisque c'est un député qui s'appelle Louis Nevers, qui était qui a en quelque sorte accepté l'établissement de Vichy. Donc ces archives privées pouvaient être en quelque sorte des archives considérées comme, comment dire, sensibles. Hein. Et il est clair que ce carnet m'a donné une carte de visite, hein, et une contenance qui était intéressante. Dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question qu'on m'avait posée dans un an, de savoir qu'en pense mon directeur de thèse. Hein, quand on m'avait posé la question, je n'ai pas pu répondre parce que je pense que mon directeur de thèse ne savait pas. Depuis quelques temps, il le sait, alors c'est très intéressant parce qu'il le sait non pas forcément par moi, mais par tout un tas d'autres retours. Et le discours, et ce qui me fait penser que c'est justement un discours qui est en train de changer, a été un discours, ben, c'est au contraire quelque chose de très intéressant, parce que je pense qu'il y a d'autres moyens de diffusion de la recherche, et je tiens à préciser encore une fois que c'est sur une plateforme qui s'appelle Hypothèse, donc ce sont des hypothèses de travail. Tant pis s'il y a plein de choses qui ne sont pas définitives, tant pis s'il y a énormément de pistes abandonnées, hein, ça, il y a un côté... il y a un côté hypothétique en quelque sorte. Et puis dernière chose, moi j'ai aussi au tout début eu comme exemple le Benoît Peters qui a rédigé une biographie de Derrida, et en même temps il a publié un petit livre qui s'appelle 3 ans avec Derrida, où c'est un livre très intéressant, peut-être plus intéressant même que la biographie en entier, où il explique comment il a travaillé. Et j'avais un peu cette idée-là, hein, qu'on retrouve aussi dans des méthodes d'anthropologues ou des choses comme ça, de rendre compte, hein, un petit peu faire une mécanique en fait de la recherche en quelque sorte. Voilà. Et d'autres membres de la table déjà réunis aussi. Oui, ce que j'aime bien, que Benoît montre très bien, c'est que le premier bénéficiaire en fait de ce travail d'écriture en ligne sur le carnet de recherche, c'est celui qui le fait. Oui, et là, c'est vraiment très que l'écriture que tu mènes sur le carnet de recherche nourrit complètement ton travail et y compris les archives. Oui, oui. C'est vraiment important. Je viens de juste rebondir. Alors, il se trouve que dans la revue de presse, bien sûr, l'écriture est la mienne, mais à partir de ce que les journalistes mettent en ligne, ce que les historiens, c'est aussi de la veille documentaire. Et en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que quand j'ai vu la complication que ça pouvait être de passer par une structure institutionnelle ou associative, c'était le plus simple. J'ai mis une couverture de la revue Matériaux pour le temps présent, qui était un merveilleux numéro 79 sur l'Internet militant, c'est-à-dire à la fois comment se faire d'Internet dans sa vie militante et comment on s'en sert ensuite pour archiver bibliothécaires, historiens, etc., etc. Il y a vraiment un travail tout à fait intéressant. Pour sourire, quand j'ai voulu retrouver le sommaire, il a fallu que je passe par Web Archive, parce que l'Enfer avait juste oublié de laisser le sommaire proprement en ligne. Donc c'est une écriture individuelle, mais sur un travail qui est un travail collectif en réalité. Des gens catholiques n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu derrière tous les gens sur lesquels je pouvais compter, qui n'en étaient pas, mais je connais Laurent Gamme, ton collègue, et plein d'autres. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, je disais tout à l'heure que j'en avais marre de certains discours. Vous savez bien, Internet c'est le règne de l'image, etc. Quelle stupidité! L'image, elle est dans le journal de 20h le soir, et vous n'avez que ça. Et essayez d'enregistrer ce qu'on laisse dire à quelqu'un en 10 secondes. Rien, il fait beau, etc. Bon. Et donc c'est le journaliste qui parle. Alors que sur Internet, je n'ai jamais tant écrit que depuis que j'utilise Internet comme un outil. Avec la possibilité, j'ai cité sur la liste les revues comme Historien Computing, et je suis repassé, c'était un article de juillet 2011, je suis passé, l'actualité est complétée, c'est-à-dire qu'on peut le reprendre. Et ce n'est pas uniquement du texte dans le cas précis. Donc si les journalistes changeaient un tout petit peu leur logiciel, ça ne serait pas inintéressant parce que ça leur permettrait de sortir du cadre de la télé. Et moi, quand on me dit, par exemple, que les ados ne lisent plus, ça c'était le discours de l'autre jour. Attendez, lire, ça serait obligatoirement lire un roman de 350 pages. Tous, tant que vous êtes, vous lisez autant d'articles de conclusion, d'introduction, de thèse, etc., que que de romans. Vous n'êtes pas uniquement donc, et dans quoi est-ce que je dis ça? Je dis ça dans Philosophie Magazine, pas le numéro de moitié, c'est sur Dieu, mais le numéro d'avant, et on me dit, ah oui, parce que Nicolas Carr a dit qu'on devient tous des idiots et des stupides, après Brooks en particulier. Donc, vous voyez que là, on est dans un problème, et c'est là que je suis militant. Parce que si on a des outils, je vais apporter les nuances sur l'appareil photo, je suis désolé, l'appareil photo, ben oui, il tue les photographes, mais en même temps, il fait que des tas de gens se souviennent de ce qu'ils ont vécu, des bons moments qu'ils ont passé avec quelqu'un, etc., etc. À nous de trouver des moyens d'en faire des choses intelligentes, ça, on est d'accord là-dessus. Ce qu'on a oublié aussi de dire, c'est que quand on écrit, moi je fais systématiquement des liens, c'est-à-dire l'appui sur ce que d'autres ont fait, soit pour aider à le faire connaître, le web gallery of art dont je parlais tout à l'heure, qui est très très mal indexé, donc il n'est pas, pour une raison que j'ignore, je n'ai jamais compris, et c'est dommage, parce que franchement, il y a un outil, un support pour les profs, pour travailler sur l'image. Et alors, deux autres points sur l'écriture collective. Je finis. L'écriture collective, André Günther. Allez voir ce qu'il a fait sur culture visuelle. Et là, c'est absolument fantastique, parce qu'on est dans le domaine universitaire, sauf que, de tout ce travail de recherche, de questionnement, de hypothèse, c'est fait avec des tas de petites mains, chacun ayant son blog, et on a une sorte de ferme de blog. Et il a écrit donc Why Blog, c'était en 2008, et il fait le lien avec ça. J'ai besoin d'une seconde sur Wikipédia, parce que si vous voulez, le problème de Wikipédia sera entre ce qu'on en dit et ce qu'on en fait, il y a un écart fantastique. Moi, je ne sais pas parce que je vais corriger des choses, je vais compléter, je vais ajouter, mais quand Osborne est décédé, désolé, parce que là j'ai trouvé la liste de ses publications probablement correcte, avec assez peu d'oubli. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre avait pensé à le faire, et que je pouvais donc m'en servir. Donc je ne vais pas systématiquement chercher la petite bête pour montrer que c'est faux et c'est stupide. Mais Dominique Cardon a à intervenir sur les procédures. J'aime pas le mot gouvernance. Vous voyez, il vient de l'entreprise, mais on en a parlé juste à l'heure. Il n'empêche que dans la gouvernance de Wikipédia, il y a des choses qui font que on met les gens à bosser et que, globalement, on fait des choses qui ne sont pas forcément stupides. Et si le monde universitaire se servait de ce type de gouvernance pour faire des choses, Rosenberg, que j'ai traduit, disait, voilà, allez, on se met, on rédige un manuel d'histoire américaine. Malheureusement, la maladie m'a empêché de mener à bout son projet. Il y a sans doute des choses à tirer, non pas des articles et des contenus, vous êtes capable, vous, de faire, mais surtout de faire. Donc, et là, on est dans une écriture collective, mais qui a besoin de temps, qui a besoin de lignes. Deux, trois petites choses, je vais essayer d'être rapide. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous avez dit tous les deux et que j'ai pas dit moi quand j'ai parlé de Twitter, mais ça me paraît en fait essentiel en y repensant. C'est qu'on vous explique que Twitter c'est très important, qu'on arrive à faire des sortes de groupes de recherche, en tout cas des sociabilités scientifiques extérieures, etc. En réalité, Twitter c'est important pour ça parce que on a des activités par ailleurs en ligne. Je pense que les affinités sur ce type de réseaux sociaux, entre guillemets, ça peut vite être n'importe quoi. Moi c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens sur Twitter parce que je les avais vus sur Hypothèse. C'est-à-dire que pour les gens autour de la table, c'est ça. Frédéric, c'était son blog Zotero. J'avais besoin de son blog sur Zotero francophone. Francisca, ma collègue, m'a dit, mais il est sur Twitter, j'ai rencontré comme ça. Benoît, j'utilisais son blog pour les étudiants. Et là, c'est la deuxième remarque que je voulais aussi lui donner, c'est que ce nouveau type d'écriture apporte quelque chose qu'on n'avait pas quand on enseignait la méthodologie de la recherche, et c'était dans certaines bonnes thèses, quand c'est bien écrit, c'est-à-dire la boîte noire. Comment quelqu'un fait son travail de recherche? Je me souviens des premiers séminaires de méthodologie que j'ai fait, on prenait l'article d'un chercheur, les étudiants lisaient, on réfléchissait, on essayait de comprendre quelles étaient les hypothèses de départ, comment il avait travaillé avec la bibliographie, ce genre de choses-là. Aujourd'hui, vous allez sur le blog de Benoît, vous lisez un certain nombre de billets, vous comprenez comment un historien travaille. Et là, du coup, on a quelque chose d'intermédiaire entre le travail qui, en général, n'est quasiment jamais lu, c'est-à-dire le travail universitaire déposé à la bibliothèque, ça aussi, ça change, puisque maintenant, on peut les mettre en ligne, mais malgré tout, et le livre qui, en fait, est pur tout ce travail de réflexion. Et là, vraiment, on a un outil pédagogique dans ces nouvelles écritures, alors à la lecture, mais à l'écriture aussi. Ça vous parlait de Wikipédia, on parle des blogs. Tous ces outils-là sont aussi des outils pédagogiques. Je sais que par exemple, Frédéric m'a dit tout à l'heure qu'il le faisait avec des étudiants à lui, faire écrire à des étudiants un blog, c'est leur apprendre à écrire, c'est leur apprendre à réfléchir à la critique d'un document, ça peut être Internet. Les faire travailler sur Wikipédia, on parlait d'acculturation, c'est un des thèmes. L'acculturation en Wikipédia, elle passera tout simplement par le fait que les profs demandent aux étudiants d'aller travailler sur Wikipédia. Moi, je l'avais mis dans un projet de cours qui a malheureusement pas pu avoir lieu, mais je pense que faire un cours avec des étudiants sur les écritures en ligne, en demandant d'aller travailler sur une entrée Wikipédia à plusieurs sur la longue durée, c'est-à-dire on va pas juste le lire et on corrige, mais on prend un sur un semestre, on travaille dessus et on confronte avec d'autres recherches, etc. Les étudiants qui deviendront chercheurs demain après avoir fait ça n'auront plus le même rapport à Wikipédia que celui qui existe aujourd'hui parmi beaucoup de profs un peu réticents. Juste un problème, parce que en fait tout dépend de ce que vous demandez aux étudiants de faire. Moi j'ai inversé, quand on a dit oui, c'est déjà c'est mieux, les étudiants se précipitent dessus. Mais attendez, vous leur avez demandé de faire quoi? Et si vous leur avez donné par exemple un article à utiliser, c'était pas un article Wikipédia, un article à l'opinion, ils n'ont pas besoin d'aller sur Wikipédia, ils vont sur Wikipédia parce qu'ils n'ont pas de vidéo efficace rapide. Donc posez-vous la question, pourquoi, qu'est-ce que je leur demande de faire? Ça, c'est une dernière toute petite chose et après j'ai fini. Je voulais juste une expérience personnelle. Quand j'ai créé la boîte à outils avec Francisca et devenir historien ici, c'était pour des raisons plus pédagogiques. C'est-à-dire qu'en gros, je savais que la formation informatique à l'EHESS risquait de pas forcément continuer. On s'est dit qu'il faut absolument pérenniser ça. Et on a bien fait parce que du coup, on a réussi à élargir l'enseignement à beaucoup plus de gens que ce qu'on avait. Devenir historien, c'est parce que mon contrat d'affaires sur la méthodologie s'arrêtait et je me suis dit qu'il faut absolument valoriser ça. Une autre raison qui est peut-être plus difficile à avouer quand on se lance, mais que je peux dire maintenant, c'est que je n'osais pas décider d'ouvrir Internet sur ma recherche. En ce moment, je suis en période de rédaction de ma thèse et je le regrette vraiment. Si je le regrette, c'est parce que je sais ce que ça peut apporter par exemple à quelqu'un comme moi, rien qu'en le lisant. C'est en me disant si au moins j'avais fait ça pendant un an ou deux, il y a certaines petites difficultés auxquelles, en réalité, on y est tous confrontés quand on écrit, mais le blog apporte quelque chose de nouveau, qui est qu'on a déjà testé des hypothèses, qu'on a déjà rédigé un paragraphe sur un questionnement, on peut s'être trompé une première fois, et du coup, quand on arrive sur le chapitre sur la question, on peut revenir, on a eu des échos, parce que même si on ferme les commentaires parce qu'on a peur des ce qu'on appelle des trolls, qui existent vraiment, c'est-à-dire ceux qui vont lire uniquement pour critiquer et dire n'importe quoi, même si on ferme les commentaires à ça, on a des retours autrement, ça, les gens vous écrivent en disant, j'ai vu ce billet, c'est intéressant, on peut en parler. Et je pense que ça a une vraie vertu aussi pour sa propre formation. Et du coup, l'expérience de quelqu'un qui l'a pas fait, je vous dis que je le regrette et que vraiment c'est quelque chose d'intéressant à faire. Justement, là, sur le site, c'est bien qu'on était toujours d'utiliser les personnages, on dit que pas le problème de la collection qui a sorti l'ouvrage sur le diffus et les comptes de concentration. Honnêtement, je pense que c'est mieux d'utiliser le site aujourd'hui. Par contre, il faut faire monter à d'autres utilisations. Ils ont utilisé, c'est de mettre dans les sources, ils mettent déjà dans les sources, c'est qu'il y a un étudiant à l'UFED Strasbourg qui est comme un exposé sur la Première Guerre mondiale sur la base de deux articles Wikipédia et qui a donc conclu que la Première Guerre mondiale était la dernière guerre de chevalerie. Forcément, c'est extrêmement mauvais. Maintenant, il est aussi pour une première approche. Souvent, c'est pas inintéressant. En histoire, je trouve que souvent, les articles ne sont pas calibrés. Surtout quand on fait un dégât, ça peut vraiment une histoire de bataille. Sur les articles techniques, notamment, en région, ils sont très très bons. Après, il y a de la difficulté à les améliorer parce que quand on travaille sur le Troisième Reich, on est sûr qu'il y a énormément d'études qui sont mises au fur et à mesure, c'est très difficile de les corriger. Et si vous lisez l'anglais, c'est souvent plus concis et plus percutant. La discussion est aussi apportée sur quand même la nature sociale du web et l'Internet, et donc Internet c'est le réseau, le web est une application qui utilise Internet. Et c'est un réseau, donc dès le départ, c'est un souci, il n'y a pas eu besoin d'attendre plus fort du terreau pour que ce soit social. Et cette nature sociale est quand même le gros avantage du web. Je vais vous donner moi un exemple personnel. Je viens d'un milieu des provinces, je viens de commune, où les relations entre historiens et sociologues sont absolument exécrables. Donc moi, quand j'ai, enfin, comme historien, j'ai toujours cru que c'était quasiment impossible de travailler avec la sociologie. Et d'une part, en travaillant avec la faculté de sociologie, et non pas avec les sociologues de l'UET, et d'autre part, en commençant à dialoguer avec les sociologues sur Twitter, hein, je me suis aperçu que les sociologues ne pensaient pas que les travaux d'historien ne servaient qu'à faire leur petite introduction, et que deux, il pouvait y avoir un dialogue extrêmement, extrêmement enrichissant. Oui, la nature sociale doit être quand même son gros avantage, et c'est quelque chose qu'on doit vraiment exploiter. Combiner la dimension intellectuelle. Donc je me reconnais du coup dans vos propos, c'est pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que d'abord cette méfiance du web, forcément, qui est aussi liée à son instabilité, et qui du coup du fait de cette enfance du dépolitisation du web de 2006, nous permet d'essayer de travailler dessus. Et ensuite, ça questionne pour moi. Avec une formation d'historien, la question de la source, le rapport à l'archive, et donc en termes épistémologiques, c'est des questionnements, et en termes méthodologiques, des questionnements sur le terme archivement. Et peut-être c'est un peu les mêmes questionnements qui se sont posés quand on a commencé à travailler en histoire à partir de la télévision, tout simplement. Et après, la deuxième chose, c'est aussi sur l'écriture de l'histoire en ligne, je travaille aussi sur ça. Et finalement, ça questionne aussi le rôle de social de l'historien, puisque moi, c'est mon corpus, j'ai plutôt des applications, des militants qui diffusent un choix d'enseignement mémoriel, et donc la présence de l'institution scientifique sur le web est mise en concurrence, vous l'avez dit, du coup, c'est toujours là. Donc voilà, c'est plus des remarques, des questions, et voilà. Je vais réfléchir à mon carré de de la conférence histoire mémoire, elle existe aussi à la télé. L'essentiel de la présentation est d'abord mémorial avant d'être historique. Moi, j'ai une question très générale du coup après la question de la légitimité. On n'a pas été abordé directement, c'est la question très importante pour l'utilisation des ressources numériques, c'est la question du plagiat. Là, peut-être savoir parce que c'est une grosse question, mais déjà c'est des avancées sans du point de vue d'enseignant, comment est-ce qu'on peut tester, et du point de vue chercheur, comment on peut se protéger. Posée de façon nouvelle par Internet. Moi, j'ai des enseignants qui se sont fait plagier avant Internet. Par contre, il y a quelque chose de nouveau. Non, parce que moi, par exemple, quand j'étais étudiant, j'avais des collègues qui rendaient des devoirs en copiant directement une encyclopédie sans jamais faire prendre. Moi, j'ai ensuite enseigné à des étudiants qui utilisaient Wikipédia, et je faisais que je copie-colle ce qui me posait problème, et je trouvais la phrase. Et juste pour une thèse, par exemple, parce que moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait un carnet, c'est que je travaille sur l'évolution du nombre des fonctionnaires, et que vous imaginez le type de récupération que ça peut entraîner. En dehors du fait que mes hypothèses, j'avais peur de me tromper, mais à côté de ça, il y avait l'idée, je ne veux pas non plus diffuser ces chiffres, on ne sait pas ce qu'ils en comptent tant que la thèse n'est pas finie. En revanche, par exemple, déposer sa thèse en ligne évite le plagiat, puisqu'une fois qu'elle est déposée, tout le monde sait qu'il l'a écrite. Alors que quand une thèse, elle est dans le fin fond d'une bibliothèque qui n'ouvre jamais ses portes aux étudiants parce que c'est la bibliothèque de dépôt des thèses, personne ne sait qui a écrit sur tel sujet. Donc il y a des problèmes de plagiat liés au web, mais ça l'a fait, et je pense que ça résout plus de problèmes que ça n'en crée en fait. Alors ceci dit, par ailleurs, il y a des outils informatiques de contrôle du plagiat qui existent. Alors c'est payant, alors je sais que par exemple Sciences Po a mis ça en place. Quand un étudiant rend un devoir, c'est mouliné dans un truc. Voilà, pour tout le monde. Et bah, le problème, c'est qu'en fait, à partir du moment où un étudiant a utilisé la même source qu'un autre, s'il n'a pas vraiment réécrit complètement la source, donc en fait, ça nécessite le contrôle toujours de l'œil humain et de la vérification du genre. Il y a un étudiant privé qui a fait un source principale, c'est son propre document en train de l'écho. Oui, il y a le principal. C'est le principal problème. Et donc nous, on a eu un grand problème avec un jeune groupe d'écho une fois, c'est très compliqué à gérer, effectivement. Pourquoi un jeune groupe d'écho? Parce qu'il y a des copiers, leur propre document qui était déjà passé par le film, qui était intégré dans la base, et leur document d'origine était le même tâche. Donc tu vois, ça a joué la chose très compliquée. Et c'est comme vous avez dit, c'est en copiant-collant sur la fenêtre de recherche Google, c'est très problématique, c'est très bien placé. Mais beaucoup, or ça, et si on le fait régulièrement dans un domaine bien précis, et si on fait une enseignement en tout cours, c'est un outil très efficace. Et ça simplifie vraiment le travail que vous avez fait. Si je peux répondre, moi pour le secondaire, hein, c'est clair, tous les gens qui me disent, comme Louis Bonneau, c'est scandaleux, ils ne pensent plus, ils recopient, etc. Bon, on sait pertinemment que quand moi j'étais étudiant, j'utilisais le Bellegarde Michard, et j'ai pas forcément tout inventé. Et je ne prétends pas qu'un lycéen puisse tout inventer, c'est la première chose. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on demande? Et là, moi j'utilise la formule que j'appelle la civilisation du rapport. Il y a un problème en politique, on donne à un député, on lui donne 5 000 euros, et puis il a 80 pages à produire. Comment il va les produire, on s'en fiche. Il faut qu'il y ait 80 pages. Quand la Soline veut montrer que Wikipédia est nul, il fait voter 5 étudiants, 20 pages de rapport, ça fait un livre de 100 pages. Parce que bien sûr, on a mis plein de vide. D'accord? Et là-dessus, bien évidemment, si on se pose la question, qu'est-ce que j'ai demandé aux étudiants? Si je leur demande un rapport de 20 pages, je sais que ce sera plagié. Si je leur dis, vous me traitez ce sujet-là, et puis dans l'interro d'après en 2 heures, vous utilisez ce que vous avez exposé. Là, j'ai plus de problème, à condition, bien sûr, que je surveille les smartphones, etc. Mais c'est un autre problème. Mais, sur le problème de la lecture, il y a plusieurs critiques qui montrent bien que ceux qui lisent sur tablette, smartphone, etc., et par rapport à ceux qui se refusent à lire sur ce genre de support, lisent plus que... Vous venez avec moi dans le métro tout à l'heure, on regarde ce que font les gens qui sont dans le métro. Tous. Même si de remarques, je suis parti comme rédacteur du carnet côté des années passées, donc je suis tout à fait en phase avec ça. Mais deux remarques sont très provocantes. Une question en termes de reconnaissance académique. Je suis membre de la section de la CNU et je suis quasiment certain que 80% des gens de cette section se rendent compte que c'est dit qu'il existe des propres trucs et sur ça, tu le reconnais absolument pas. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question de temps. J'ai pas beaucoup, mais j'ai des doctorants. Et je m'inquiéterais énormément si je les voyais commencer à rédiger beaucoup de choses, alors qu'ils n'arrivent pas à finir leur thèse en 3 ans, quand des écoles de droit leur demandent absolument de finir. Et je me dis que moi-même, si j'avais fait ça, j'aurais jamais fini ma thèse. Alors, je sais pas, je voulais vous poser ces questions, parce que c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Pour une reconnaissance académique, qui n'est pas forcément... Je vais me permettre de répondre, c'est possible. Je vais donner l'exemple de mon avant sur lequel j'ai consulté pas mal de gens au complet. Et le résultat, donc j'ai passé plusieurs mois à écrire, j'ai consulté des gens avant de le publier, j'ai modifié, j'ai ensuite publié, demandé à des gens de venir faire des commentaires. Ça m'a pris énormément de temps, le résultat c'est qu'on m'a contacté pour publier un article. Donc je n'ai pas perdu, je n'ai absolument pas perdu de temps. Et au contraire, j'ai pu tester toutes mes hypothèses et je sais que l'article sera encore très différent. Parce que par exemple, j'ai utilisé le terme VAX, c'est quelqu'un qui m'a fait un beau graphique avec les quatre lectures numériques, les lectures historiennes des sources numériques possibles. Donc maintenant, j'utilise le terme d'échelle pour surtout ne pas avoir ce type de graphique. Il est absolument un suffisamment paradoxe qu'il a fait. Je pense qu'il y a un facteur culturel qui joue. Mais je veux absolument éviter ce genre de truc, donc je ne crois que je parle d'échelle, pas simplement. Mais en tout cas, je crois qu'on... Et s'il s'agit de tester des hypothèses et d'en éliminer certaines, on s'aperçoit qu'elles sont mauvaises une fois qu'on les a écrites, je ne suis pas sûr qu'on passe tellement de temps dans le cadre d'une thèse. Pour ce qui est enfin de la reconnaissance, moins c'est reconnu, mieux ce sera. Mais aussi, la réponse n'est pas pour être une provocateur, parce que si ça commence à être reconnu, on aura plus de spontanéité, donc on va plus tester des hypothèses, on peut manquer au fin de thèse. Et il y a une vraie question de la langue. Juste pour dire sur l'expérience d'une génération plus proche de celle de Nicolas et celle de Frédéric en termes universitaires, enfin, moi je sais que je me suis beaucoup posé la question, c'était bien avant la dégomme et c'est très visible aujourd'hui ce que j'ai fait, mais quand j'avais fait des études pédagogiques sur la quantification de sort, sur le temps que ça me prenait et ce que ça allait me rapporter, est-ce que j'étais bien en faire ça. Alors, j'étais déjà au CNRS, donc c'était facile, vous me direz, mais quand même je me posais des questions. Et je pense que enfin, la suite de ma carrière a été largement déterminée par ça, parce que c'est ce qui m'a fait connaître au-delà de ma spécialité des phrases, ce qui se passe aujourd'hui pour prévenir les liens en besoin. Alors bien sûr, il faut qu'il fasse aussi le travail normal de publication, et donc ça c'est les questions de temps que tu évoques et d'aboutir à des vrais articles. Mais je pense que ça permet aussi vraiment, quand c'est une activité distinctive, parce que tout le monde n'est pas prêt à être libre, d'avoir une forme de reconnaissance qui n'est pas directement dans les CV mais qui fait connaître dans la communauté. Et sur le temps que ça prend, je pense que c'est aussi, et là c'est pour ça que je me permets de me donner la parole pour vous dire ça aussi, pour moi c'est aussi en partie un substitut à ce que, les doctorants en situation ne vont pas faire ça, parce que ici on a un laboratoire dont la qualité énorme c'est de l'intégration totale des doctorants, qui sont en permanence dans nos murs, qui parlent avec nous, qui parlent dans les séminaires, etc. Et donc quelque part, je pense que ça remplit la fonction que vous donnez au blog, et je me demandais si c'était pas un temps que vous gagnez sur le fait de ne pas être surintégré pour diverses raisons dans une activité foisonnante de laboratoire. Peut-être deux, trois choses. Alors au niveau de la reconnaissance, effectivement, c'est sans doute un problème que je ne suis pas forcément posé. Maintenant, j'ai, pour dire la même chose que Frédéric, j'ai trois articles ou parties de chapitres de livres à écrire et la seule des personnes qui m'ont contacté, c'est par rapport à ça. Donc, à comprendre, peut-être que ça permet de se faire connaître et donc de gagner du temps. Ensuite, j'irai exactement la même chose que Frédéric, après tout, s'il n'y a pas la reconnaissance institutionnelle, tant pis. Enfin, après, ça dépend du statut. Moi, je suis enseignant dans la lycée, et donc c'est pas si grave que ça si telle ou telle section ne reconnaît pas ce que je produis, en quelque sorte. Et j'ai un modèle aussi, c'est le modèle de, par exemple, History Workshop en Angleterre, c'est-à-dire l'idée que il n'y a pas que, je vais dire, l'histoire universitaire, il y a aussi l'histoire en tant qu'acteur social, et peut-être acteur politique, etc., etc. Et donc, ça me paraît, moi, plus intéressant. Voilà, c'est ça aussi que j'y gagne, en quelque sorte, enfin, de mon point de vue. Même si, effectivement, il faut parfois être très réaliste. Et il se trouve que là, je crois qu'on peut quand même concilier le réalisme et puis l'intérêt. Enfin, du moins, de mon point de vue. Moi, pour l'anecdote, c'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant, à Frédéric et Daniel, c'est que devenir historien, j'ai décidé de le couper. Alors j'ai été amené à devoir rédiger très vite ma thèse, là, ces derniers mois. Et donc en juillet, on a décidé avec mon directeur que ça y est, je me lançais, il fallait finir vite. À ce moment-là, je me suis dit, je coupe l'investissement dans les blogs, ça me prend trop de temps. Pendant 2-3 mois, j'ai quasiment rien fait sur ces blogs, j'ai pas écrit plus vite que depuis que j'ai repris les blogs. En réalité, les blogs, là, ce que je fais sur devenir historien, c'est que je sollicite encore plus qu'avant le collectif et d'autres gens, parce que c'est vrai qu'écrire, ça prend quand même du temps, et là, je suis déjà en train d'écrire ma thèse, mais il n'empêche qu'en réalité, le temps que je consacre au blog et à Twitter, puisque vraiment les deux vont ensemble en fait, quand j'ai essayé d'arrêter, je n'ai pas gagné sur le temps de travail d'écriture. Et en fait, j'ai fait un rapprochement seulement récemment. Pendant longtemps, j'ai dit à des anciens étudiants de master qui faisaient une thèse, je leur disais, enseigner c'est super, mais si vous ne voulez pas être forcément chercheur plus tard, si on vous propose un monitorat, réfléchissez, vous ferez plus vite votre thèse sans enseigner. Et en fait, en réfléchissant, je me rends compte que le fonctionnement que j'ai maintenant avec Denis Astorien, c'est le même que dans la préparation des cours. Et en réalité, l'enseignement n'a pas tant ralenti que ça, puisque, bon là, en outre, c'est un blog sur la méthodologie de la recherche, mais réfléchir à la façon dont on traite une source, ce genre de choses-là, c'est un apport qualitatif. Alors une dernière chose, sur le temps de travail des étudiants, j'ai l'exemple d'une ancienne étudiante du master, qui était une étudiante brillante, qui a suivi notre première formation outils informatiques pour les historiens de l'HESS. Du coup, on l'a envoyée à Claire Le Mercier parce qu'elle voulait faire de la lexicométrie. Elle a fini à Paris 1 avec Benjamin Derlet, qui lui a expliqué un certain nombre de logiciels. Je l'ai récupéré dans le blog pendant son M2. Elle a écrit deux billets sur la lexicométrie qui ont été lus par énormément de gens et notamment qui ont été discutés par une de nos collègues de Twitter, Marianne Pavot, qui est linguiste. Donc sur la lexicométrie, il y a des débats entre les linguistes, les psychanalystes et les historiens. Ça lui a permis de découvrir ce débat qu'elle ne connaissait pas. Et à l'issue de ces deux billets-là, Benjamin Derwell de Paris lui a proposé d'écrire un article scientifique. Elle n'avait pas encore son mémoire, son M2, et elle va se retrouver avant une première publication dans une revue classique académique. Alors c'est pas encore fait, je l'ai contacté avant parce que je voulais la montrer si ça avait eu lieu, mais en fait c'est pas encore fait. Mais voilà, elle a investi un petit peu de temps là-dedans. Alors bien sûr, il faut que ce soit proche de nos recherches, et je pense qu'en réalité, à partir du moment où on travaille sur nos recherches, finalement, c'est fignoler un brouillon pour en faire quelque chose de mieux qui soit mis en ligne, mais c'est pas aller beaucoup plus loin, en fait, donc on ne perd pas vraiment. Alors, Yves Attelé, en fait, je suis historien, j'anime un atelier d'écriture en histoire, et je ne vais pas tant vous dire que là, j'ai passé une heure et demie, j'ai appris beaucoup de choses. Non, c'est pas vrai, mais moi je se connaît, je sais que mes étudiants qui ont été recherches là, mais tout ce que j'ai vu là, parce que j'ai eu le temps de le dire que je ne sais pas. J'espère. Donc il y a des possibilités d'évolution en plus, c'est se mettre dans ce nouveau métier, surtout qui est intéressant, c'est un nouveau métier que tu as abordé, à expliquer à des étudiants qui sont un peu perdus finalement. Notamment en licence, on a clairement, mais en licence, on va expliquer ça, ça ouvre des perspectives nouvelles. Il faut faire quelque chose, un livre en collaboration. Les universités américaines ont aussi des entrées écrire l'histoire, à peu près toutes. Ce qui fait que ça donne effectivement des conseils et ça encadre. Je voulais vous remercier. Juste pour rebondir sur le professionnel, moi, alors je parle encore beaucoup de moi, mais les perspectives professionnelles de la formation informatique sont vraiment sous-estimées par à la fois les profs et les étudiants. Moi, mes étudiants en master, je leur donnais mon exemple, parce qu'en fait, moi, donc, j'ai suivi en deux le séminaire de Manuela Martinique, ici, donc son enseignement de PD sur Excel. Ce cours-là m'a beaucoup plu, donc je l'ai suivi sérieusement. Il se trouve qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je ferais, j'étais en job. Avoir suivi ce cours, il y a beaucoup d'autres choses à côté, mais c'est qu'aujourd'hui, je fais la thèse sur laquelle je travaille et j'ai été payé pour le faire. Tout simplement parce que j'ai été recruté au départ par une recherche commanditée où il fallait savoir faire des stats sur Excel. Je l'avais appris en deux, donc on m'a fait confiance tout de suite. Ensuite, j'ai inventé une formation avec ma collègue Francisca à l'HESS. Pourquoi on a inventé cette formation-là? Parce qu'on avait tous les deux des expériences de suivi de formation et on s'est dit pourquoi il n'en existe pas, on va le faire. J'ai continué à être payé pour cette raison-là. Vous voyez? Et donc, et ça c'est un exemple basique de formation en histoire finalement classique. Mais imaginons ceux qui aujourd'hui suivent les masters du type de celui de l'école des chats. Voir par ICEF, moi j'étais étudiant, avec un DESS en alternance pour les sciences humaines et sociales à l'informatique. J'ai retrouvé récemment une ancienne collègue de licence qui travaille pour Revue pour l'Ordre aujourd'hui. Parce qu'elle a suivi maintenant pour faire ce DESS-là. Donc en fait, c'est des vraies perspectives professionnelles. Et là, à mon avis, c'est le vrai antidote à la dite crise des masters de recherche. Parce que tout simplement, inclure ce type de formation-là pour des étudiants qui ne savent pas encore ce qu'ils font, c'est leur ouvrir des portes qui restent fermées si on reste hors de ces formations informatiques-là. C'est la thèse du champagne, mais on se voit que dans Oui, bonjour, c'est Mathilde Marin de l'Université de Strasbourg. Moi, je voudrais simplement poser une question, une demande de conseil finalement sur le mode de présence des laboratoires sur Internet, puisque j'appartiens à un laboratoire qui en ce moment essaie de réfléchir à la chose, et la formule un peu spontanément qui a jailli de mon esprit, c'est la revue en ligne. Et la revue en ligne par rapport à cette forme internet, des blogs, j'en ai mis votre avis sur les complémentarités, les oppositions, les substitutions possibles. Voilà, merci. Merci. Je m'appelle Claude Tissot. Je suis citoyen et j'enseigne dans une université spécialement la paix, plus précisément à Ordre de l'Université. Alors, depuis un bon bout de temps, on essaie de vulgariser ce type de problématique dans la formation des citoyens. Mais on se perte avec de nombreuses difficultés, notamment la disponibilité des outils et du matériel, parce que pour le faire la législation, il faut matériel à base pour que les citoyens puissent se former. Et à l'université, ce que le plus souvent beaucoup d'étudiants sont en contact avec l'outil lui-même. Se pose donc un problème de module même. C'est le premier jour. Pour enfin utiliser l'informatique comme outil de recherche parce que les étudiants avancent. Moi personnellement, je ne suis pas dit que je suis spécialiste, mais j'essaie de dire les doctorants, l'utilisation de l'informatique. Et cet atelier m'a beaucoup de comporté pour partager sur le sujet. À propos de l'efficacité de j'ai un problème dans la recherche en histoire, surtout dans un pays dans le monde. J'avoue que j'ai été aussi reconforté lorsqu'on a parlé de l'utilisation des outils, par exemple des appareils photographiques. J'ai une anecdote à vous raconter, qui doit être très vite. Je me suis rendu à être en Provence, où il y a une petite tâche. Et je suis tombé sur un pont qui, en principe, n'était pas encore disponible parce que il y a un temps. Tout le monde a tout communiqué. Mais bon, l'archivisme de la partie, c'était vraiment juste pour moi. Et on m'a oublié juste le temps d'un papier et une feuille blanche. Le gros carton. Alors, j'ai pas hésité à habiller ma poche pour un appareil photographique. Et il est tout lié dans mon ordinateur. J'ai commencé à le travailler, j'ai fait le dossier, ils m'ont volé mon ordinateur. Ah. Je vous assure que ça fait très mal. Et là, il y a une idée tout de suite qui a été évoquée par quelqu'un, c'est-à-dire une certaine collaboration, la mise en commun des archives par les chercheurs compétents. On a pu éventuellement éviter ce genre d'été. Si, par exemple, j'avais communiqué pour les données, à les chercheurs, comme je crée ma machine, bon, c'est une habillée. Et moi, étant à l'heure d'un coup, pour revenir à Paris, je vais faire les mêmes recherches, vous voyez que ça, parce que c'est fait exactement comme je donne les mêmes. La mésaventure est arrivée à Daniel Arras. Il avait commencé, je crois, sur Florence avec un maître. Et tout projet a été intégré. Du coup, il a changé de ligne, il est passé à la sienne, et il a fait une excellente thèse. Avec un autre, il a fait une excellente thèse. Je vais terminer, excusez-moi, je vais plus long. Je vais terminer. Et il y a aussi le problème même la qualité de l'enseignement. Beaucoup d'étudiants, du coup, ça me fait suivre aussi en formation. Et comme vous savez, sur la table, il y a beaucoup d'informations. Il est difficile pour un enseignant, par exemple, qui reçoit beaucoup de données, de pouvoir les vérifier comme il peut. Vous, la nécessité vraiment de trouver des outils d'éducation. Certains de nous, qui ne connaissaient pas le chiffrage, il faut qu'on vulgarise cela pour que la qualité de l'enseignement ne baisse pas. Parce que les étudiants peuvent gâcher chaque fois de la facilité en faisant du budget. Et ça va plus facile de la faire comme on est. Je remercie beaucoup, vraiment j'ai beaucoup appris. J'ai fait vous apporter aussi en écoutant les gens chez les autres. Il y a une bonne opération de nous dans les autres de gens intéressés par ces questions-là et qui va se prolonger tout ça par un jour, mais certainement par des billets sur les blogs des uns et des autres, et à minima par l'enrichissement du billet si sur le blog il y a les par plus de liens et de références. Juste de prolongement. Pour revenir sur la question de ce oui, juste deux éléments. Il faut apprendre qu'on est dans un monde d'incertitude. C'est-à-dire qu'auparavant, il suffisait de demander au Vatican et on savait qu'on pouvait lire tel texte sacré de tel façon. On est dans un monde où non, c'est aussi à nous et aux structures dans lesquelles on travaille de faire ça. Et ensuite, on ne sait pas tant donner un outil que d'apprendre à se donner les moyens de critiquer. C'est une question de comportement, d'attitude. Sur la question sur la présence des labos en ligne, alors bon, je ne suis pas complètement à l'échelle du labo, mais j'ai une anecdote, un exemple qu'on a cité dans l'article qu'on a écrit avec Francisca, un blogueur, c'est le CRH, donc le Centre de Recherche Historique, le labo où je suis rattaché pour ma thèse. Quand on a fait l'article, on leur a posé la question, puisqu'ils avaient avant une revue qui s'appelle le cahier du Centre de Recherche Historique, qui était diffusé pas sous le manteau, mais en fait, il va y avoir 100 exemplaires imprimés, d'après les chiffres qui m'ont été donnés. Ils sont passés en ligne avec une nouvelle revue qui s'appelle l'Atelier du Centre de Recherche Historique, c'est 200 000 visites il y a un an et demi. Donc ils sont passés de 200, alors en réalité, ils étaient aussi en bibliothèque, mais en discutant avec la personne qui au CRH s'occupait de l'expédition, nous disait qu'il y en avait même qui se perdaient, il y en a qui ne réclamaient pas leur numéro, il devait y avoir 50 abonnés, donc c'était vraiment peu lu, alors qu'il y a beaucoup de contributions de très grande qualité, ça qu'on utilisait en cours avec nos étudiants. Et l'atelier du Centre de Recherche Historique est en ligne sur Revue.org, ça fonctionne comme une revue normale, c'est-à-dire qu'il y a un comité qui relie, la personne qui dirige le numéro fait le travail d'éditeur, etc. Et ça a exposé le nombre de visites. En tout cas, la visibilité du labo est beaucoup plus grande. Par contre, je ne sais pas si la revue seule suffit. Mais là, après, je crois que ça dépend vraiment du niveau de l'alphabétisation des gens qui sont dans les labos. Quoi, parce que c'est souvent quand même pas extraordinaire. Hein. Je pense aussi que les HMC, par exemple, il y a très peu de gens qui ont vraiment le souci rien que de mettre leurs informations bibliographiques à jour. Quoi. C'est quand même la base. Et les gens ne pensent pas à faire des liens, etc. Donc là, vraiment, il faut que tout le monde s'y mette, quoi, parce que sinon, il n'y aura jamais une présence du labo intéressante. Dans tout ce que je vois passer en Revue.1, c'est-à-dire des labos qui nous proposent des revues d'abo en nombre croissant pour les mettre sur la plateforme, qui sont soit précisément ça, des sortes de funding de labo qui fait des fois des contenus extraordinaires mais que personne ne lisait et qui du coup existent sur la chaîne malgré tout et qu'ils essayent de mettre en ligne, sinon des créations avec Nilo. Ça pose quand même un tas de problèmes, notamment on voit maintenant des gens qui essayent en réalité de faire passer sous le terme de revue tous les textes qu'on est tous obligés d'écrire en termes de projets ou de rapports à ENR, à EMS, qui sont souvent des textes d'un contenu scientifique, hein, c'est pas inintéressant à lire, mais voilà, ça souffre comme tel, parce que le comité de validation de la revue, c'est les collègues qui ne veulent pas dire que c'est pas vraiment un texte, ou puis comme c'est qu'une revue en ligne, on ne sait pas pourquoi, mais après on a des choses moi-même sur papier. Donc évidemment, c'est un refus, et on leur dit faites un blog du labo, parce que c'est des textes qui souhaitent à tout intéressant de donner à lire par ailleurs à d'autres que les évaluateurs, parce qu'on n'écrit pas que des décisions, il y a des personnes qui sont dans le monde, etc. Donc pourquoi pas. Mais en effet, du coup, de durcir la frontière, à mesure où il est maintenant facile de faire un blog avec plein de formats différents, de durcir la frontière avec ce qui est une vraie revue à bon de lecture, et on accepte les revues d'abord qui sont inscrites dans une catégorie à part, même si personne n'a jamais mis ça de contenu, ce sont les cahiers de recommandation, mais pas les revues de recommandation, et on accepte que celles qui ont une ouverture de l'autorat et du comité de lecture, en dehors du labo. Et on signale aux gens qu'en plus, ce n'est pas un cadeau à faire, par exemple, à leur doctorant de les faire publier que dans la revue du labo et qu'ils ont toujours intérêt, qu'on en vende bien ou pas, c'est la réalité de nos carrières aujourd'hui, à publier dans les grandes revues généralistes, ainsi de suite. Et donc le problème, c'est que les gens étant très poussés à publier dans les grandes revues généralistes et n'ayant pas quatre mains, alimenter une revue de labo. Si c'est pas un immense labo comme une CRH, c'est intéressant parce que c'est un bon exemple de la façon dont les mecs transforment les pratiques des cultures de validation, de publication. C'est là pour que les choses les plus validées par les pairs qui sont les plus vues. Donc il y a plusieurs échelles de grandeur à négocier. Je crois qu'il faut surtout articuler plusieurs types de présence sur le web pour un labo comme des individus qui arrivent et donc on peut concrètement la direction des usages numériques peut très bien être un centre de recherche et là malheureusement puisque c'est comme ça, ça vous devez connaître un bénéficier d'un site gratuit parce que c'était les premiers à demander et que du coup on expérimentait mais maintenant je crois que c'est difficile. Et articuler ça avec éventuellement donc, des cahiers plutôt qu'une revue, si c'est lié au centre de recherche lui-même. Il y a quelque chose de magnifique qui répond aux données exotiques de filer à la presse qui permet de reporter des news d'un site web sur l'autre. Et ensuite articuler ça encore avec des blogs, des membres du centre de recherche, toujours bien éventuellement le filer à la presse, et voir une présence sur les réseaux sociaux. Il y a même vraiment des idées de. Ça aussi un avantage extraordinaire, c'est que pour les non-universitaires, c'est accessible et visible. Chez Kern, la dernière expérience, c'était une revue dans laquelle vous avez deux articles. La revue coûte 15 euros. La revue coûte 15 euros. Chaque article est vendu à la pièce, 5 euros. Donc ça fait une revue à 60 euros. Et ça ne gêne personne. Et parfois même, vous avez le CNRS. Non, mais c'est rien. Si on veut vraiment élargir l'électorat, vous savez, et vous avez Olivier Herchette qui est en train de mener un combat sur le propos du CNRS, les articles qu'il a mis lui en ligne, on lui demandait 47 euros, 15 jours d'attente pour accéder à ces articles. Oui, merci beaucoup.